Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Y'a une bière sur la table. Non, je tiens à l'anus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, Inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Je ne bouge plus. Oui, d'accord. Le mec, il me fait pas 5-4 heures, il me fait « C'est à toi maintenant !» Oui. Bon, salut à tous. Salut. Vous êtes dans l'apéro original 11.2, épisode de février 2018, normalement, enregistré au mois de décembre 2017. Logique, jusque-là tout va bien. On est des arnaqueurs. Jusqu'ici, tout va bien. Autour de la table avec moi, on a Gandalf, bonjour. On a Azertov, coucou, c'est on moi. A Noé, hello. On a Toucheux, Adichatz, Péremptoire, ouais. Et moi-même. Putain, Péremptoire à fond quoi. Allez, les gens sont à fond. Au sommaire de cette émission, vous aurez les rappels d'usage comme d'habitude. Une petite présentation du contenu avec un petit c'est bien houblon. Un imposé de Azertov qui nous a imposé une BD. Ouais. On vous en reparlera tout à l'heure. Un petit interlude de questions aux invités. Oh oui, vraiment l'interlude. Probablement. Cette fois, on fait 2 minutes au moins. ouais, essayez de répondre. Même moi, je suis juste oui ou non. Ouais. Un petit interlude par Noé. Yes. On finira par une encurie dossier quiz, on sait pas trop, par Gandalf. J'avoue, c'est une vraie enculerie. Ah, c'est une enculerie. Il est honnête, il nous en fait 2 enculeries en 2 épisodes. Voilà. Et donc on clôturera cet épisode en musique comme d'habitude avec une musique choisie par mes soins. C'est qui, mes japonais. Ah, ça, j'ai mis sur le conducteur, il est marqué. Japonais peut-être, on sait pas trop. Miyazaki. Voilà. Non, c'est pas sur celui-là. Oui, mais non, c'était sur avant. Ouais. C'était la version précédente. J'ai modifié le truc parce que en fonction du nom de la musique que j'ai choisi. Donc les rappels d'usage. On est toujours normalement diffusé sur Pod Radio, sur les canaux Alpha, Beta, Gamma, Delta, Zoltan. On ne sait pas. Zoltan. On sait pas trop, allez consulter la grille des programmes pour le savoir. Autre rappel d'usage, Podren, les 31 mars et 1er avril 2018. On y sera au moins 2 sur 3. Oui. Fun fact, on n'ira pas qui c'est qui ne viendra pas. On vous laisse le découvrir. Fun fact, il y en a un de nous qui vient pas. Ah si, au moins un canal bêta sûr. Ah, on est au moins sur le canal bêta au moment où on enregistre. Bien sûr, au moment où ce sera diffusé, ça aura changé. D'accord. Ah, deux canaux. Les canaux. qu'est-ce qu'il y a comme autre rappel d'usage? Je sais plus. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. On a bu d'alcool. Trois canaux. Et c'est pas mal déjà. C'est pas mal ça. N'oubliez pas le Tipeee, les gars. Tipeee. Ouais, mettez 5 étoiles sur le Tipeee. Abonnez-vous au Patreon. Mettez 5 étoiles sur votre Apple Podcast. Ouais, voilà. Voilà, si vous arrivez à nous trouver, bon courage. Super original, le podcast de l'année. Bah oui, bien sûr. Sinon, on fait comme Distorsion, payez-nous une tournée de bière. Ah, on n'est pas contre. On n'est pas contre. Oui, bah, ça. Salut d'abord. De toute façon, nous, c'est sous licence Beerware. Si t'aimes bien ce qu'on fait, paye-nous une à boire. Ouais. Ça nous suffit très largement. Et donc, sans plus tarder, passons au c'est bien houblon. Ah oui, oula, ou attends, ouais. Oh, pris par surprise, jungle. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal. C'est de ne jamais goûter. On va goûter. Pouah ! Allez, folle ! Oh ! Ah, j'ai faim ! J'ai soif. Allez, non, vous filles, les gars. Non, toujours pas. Les filles. Toujours pas les filles. Oui. Ah, toujours pas les filles. J'ai pas envie de me faire chier. En plus, la gare est en feu. Je passe directement le décapsuleur à gauche. Ah, quand, mais directement à moi, comme ça. Direct l'enculerie, quoi. Ouais. Du coup, oui. Donc, comme vous le saviez déjà, si vous avez écouté l'épisode précédent, celui du mois de janvier. Le saviez-vous? Un mois de gueule de bois. Un mois de gueule de bois, c'est magnifique. Il y a encore un mois à venir en plus. Voilà. Hashtag. Prune. Bite en bois. Et pas bite en bois. Et chat. Ah, bite en bois. Bite en bois et chat en carton. Pour le bite en bois, c'était un personnage de. De conne, ça. Ouais. Et alors, il y a une des capacités au niveau de l'estomac un peu réduite, on va dire, donc je fais de l'enculerie, donc je vous présente une bière que je ne bois pas. Soon, peut-être dans un épisode de Shooter, sur un tel but, probablement. Comme ça, au moins, je pourrais y revenir dessus. Comment parce que... ça tease comme ça, direct, quoi. Ouais. Ah, mais techniquement, on a commencé, là. Ouais. Techniquement. Donc j'ai devant moi j'ai une Indian Pale Ale qui s'appelle Mandala. Regardez, je vous montre la belle étiquette. Ouais, c'est joli. C'est très indien. Alors, c'est très indien. Un petit logo AB. C'est très beau. C'est très ouais, c'est, tu vois, c'est biologique et tout. Et puis tu retournes. Oh, c'est de l'Aveyron, nom de Dieu. Putain, merde. C'est les Aveyronnais. Ils sont partout. Dans les campagnes. Surtout dans les campagnes. Surtout dans les campagnes. Aveyronnaises. Pas dans les villes, mais surtout dans les campagnes. Et surtout à Paris aussi. Donc oui, alors j'en avais déjà parlé, je pense, c'est la brasserie Dole. Et donc c'est une Indian, voilà, Pale Ale qui fait 6 degrés. Pareil, il faut la boire à 6 degrés, elle est bien. Et bien évidemment, madame n'a pas le droit d'en profiter. Enfin, si elle est, madame, si elle est enceinte. Si elle est habitée, voilà. Si elle est pas seule. Dans l'habitacle. Si elle est habitée, elle a plus le droit d'en profiter. On demande le bébé. Et son amertume et son degré d'alcool élevé lui permettent une excellente conversation dans le temps. Conversation, ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas. Elle tient la conversation. C'est ça. Ouais. Donc, attention. Vous n'y avez vu que du feu. bruit de mousse indienne. C'est un petit peu massif, il fait ouh derrière. C'est du bruit de mousse, mais. Tu fais très bien la mousse à l'instant. Avec un point rouge sur le front. C'est ça, voilà. Tenez, soit. Donc, alors. C'est toi, tu me l'as. Alors, qui Écoute-toi. Ben, encore pété. Je vais voir. Ouais, mais encore, dis-donc. Mais oui, mais non, mais parce que de la fois, tu étais le deuxième invité à te servir. Donc, je. Ah, c'est bon. Voilà, donc je. Ben, moi, je crois que j'ai pris une bière qu'on a beaucoup pris pour cette session. Ah, oui. La IPA Paris 10, India Pale Ale. Brassé en Île-de-France avec une jolie capsule noire. Voilà, est-ce que ça les gaz d'échappement des voitures qui bouchonnent? Ah, c'est la sénoise, ça. C'est pas pareil. Belle référence. Avec l'extrait de l'urine. Incarnation puissante de la capsule brassée en musique dans la plus pure tradition des moines Shaolin. Ah, c'est ok, c'était rigolo. Des moines Shaolin trappistes à partir de malt sauvages chassés dans les lointaines contrées de. C'est des petits rigolos, voilà. Embouteillés, surveillants, nanana. Bah écoutez, c'est une petite bière à 6,2 parce qu'on m'a conseillé de garder la plus forte pour l'autre. Le grand moment. Pour le mois prochain, dans une heure. On m'a conseillé de la jouer stratégique. Ouais. Donc tout voilà. Donc bien sûr, madame avec madame habitée. Madame habitée, donc un peu plus. Et bien sûr, c'est une bouteille recyclable. Ah bon. Ah, ils sont écolo bobo, c'est ça. Ah, c'est une bouteille qui peut tourner sur elle-même, c'est ça. Ah, ça c'est la RSE. Donc. Je peux faire un jeu de la bouteille avec. Alors, tu peux embrasser. Et je passe le des caps à mon petit hasard. Ah, eh, on aurait dû faire une photo là avec. Ça faisait très. C'est le doigt, ouais, voilà. C'est le doigt et des caps. Seul, mais. Un des deux. Une des tortues ninja. C'est la serveur. Le musicien. Hein. Pizza YOLO. Celui qui aimait les pizzas. Le rat, le maître. Maître Sphincter. Maître Sphincter. Lequel, le Sphincter du haut ou du bas? Celui qui sont les égouts. Non, cherche pas. Cherche pas. Tu sais qu'il y a des animaux qui ont qu'un seul Sphincter. J'en salive. Dépêchez-vous, j'en salive. On n'aura pas beaucoup de monde. Ouais, il joue. Ça, c'est ce que dit Vernon. Ah, mais c'est trop bon. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Jean Saline. Salut. Jean Saline. Jean-Camille, les petites soucis. Alors, quant à moi, donc, c'est une. Pourquoi des petites saucisses, fortement? C'est une Indian Pale Ale. Donc, vous avez tous pris des IPA. Ah, un petit peu, ouais. J'ai même ça, c'est une entraîne. Donc, c'est de la brasserie du Mont-Salève. Donc, qui vient de Savoie, par là. Enfin, là-haut. Dans l'Est, là-bas. Et donc, c'est interdit, pareil, au Sigourney Weaver. Et c'est tout. Alors, c'était l'Exterminator qui était déconseillé à Sigourney Weaver. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, si non, c'était pas à Sarah Connor. Pardon. C'est Sarah Connor. À Sarah Connor. C'est Exterminator. C'est Sigourney Weaver. C'est True Story, c'est une vraie bière. Les, ça s'appelle l'Exterminator de la brasserie Excuse. L'Excuse, ouais. Où toutes leurs bières commencent par l'ex quelque chose. Ouais. Et il y avait l'Exterminator où il y avait marqué bière déconseillée à Sarah Connor. Ouais. Où est Sarah Connor? Tiens, on a réveillé Randall avec la Mont-Salève. Ah bah oui. Ah oui! Bah lui, tu m'étonnes, quand ça lève, il est content. Trigger le rond. Je dis rien parce que. Et toi, tu lèves jamais? Parce que la blague, ça suffit elle-même. Compromis. Bon, alors, et donc, bah, je vais passer à ma gauche aussi. Ouais. Histoire de continuer dans la continuance. Exactement. Et bah, moi, j'ai pris une bière du coin, pardon. La fameuse, je mange du guacamole fameuse, en même temps. La fameuse bière du coin. Puisque c'est issu de la brasserie Margot, qui est une brasserie albigeoise. Oui, et qu'on a visité, et c'était trop bien. Quand elle est ouverte. On a surtout vu visiter la porte, qui était fermée. Ah, c'est comme ça. Quelqu'un l'a rappelé. Alors ça s'appelle la Belle Étoile, et c'est une bière d'hiver, donc ils savent pas vraiment trop où la ranger. Oh. C'est une... Attends, merde, du valeur, regarde. Elle est où? Eh ben, je travaille ça. Alors il y a le léger trouble en fond de la bouteille qui est normal, donc ne vous inquiétez pas, c'est dû en fait à un dépôt de levure, c'est une bière qui n'est pas filtrée et donc elle n'est pas pasteurisée et elle contient du gluten. Faut la conserver de préférence à la verticale, dans un endroit frais et sec, comme le frigo d'Azertov par exemple. Vertical limite. Suggestion dégustation, elle va bien avec les poissons en sauce, la viande rouge en sauce et les volailles et bien sûr le guacamole de la Gandalf en sauce. Comment ça le guacamole de la Gandalf? Scotch ale, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Combien de degrés? Et elle est à 7 degrés et bien sûr elle est interdite à Sigourney Weaver. Ouais. Elle tourne sur elle-même et je peux même vous donner son code barre. Elle s'est comptée de par deux et elle assèse ses chaussures. Pour l'instant, tout le monde aime la voiture. Ma précédente bière, je pouvais la lancer et se diviser en trois. C'est pas banal ça. Ah, c'était marqué sur l'étiquette. Elle se divise en trois, c'est celui-là. Hein. Ah, bon, on va essayer. Direct sur ton Mac, t'as pas peur toi. Il y en a, ils ont cher le sous vert quand même. Il y en a, ils ont fait ça. Il y a des Quacos, ils ont eu des problèmes. Ils en ont tué des Macs comme ça quand même. Ouais, ouais. Là, je te donne par la pensée du coup le. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai choisi moi cette fois-ci? On a une Spencer Trappist Ale. C'est une bière trappiste comme son nom l'indique. Merci, elle est brassée, a priori, d'après la fiche Wikipédia, elle est brassée directement à l'abbaye de Saint-Joseph, qui est établie à Spencer, dans l'état du Massachusetts. Oh. Voilà. Je ne connaissais pas vraiment, donc je me suis renseigné un tout petit peu. Et c'est une des 12 marques de bière trappiste dans le monde, dont 11 portent le logo authentique trappiste, qui est présent sur l'étiquette. Et c'est la seule bière de toutes ces bières trappistes qui est non européenne. Voilà. Ah. Et la plupart sont belges. Donc elle est titrée à 6,5. Elle a une belle gueule. La bouteille est sympa, l'étiquette est très minimaliste. Ouais. Ça me plaît bien. Ça fait très noble comme emballage. C'est interdit de consommer pour les dames qui ont un petit polichinal d'anti-envoi. C'est un programme... Mais c'est bon pour les bébés. Voilà. Pas pour les dames. Oui, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas priver les gamins en fait. Des bonnes choses. En intraveineuse, moi je pense que ça passe très bien aussi. Programme de recyclage, 33 centilitres. À 30 degrés. Et puis on va goûter ça. Hein, et c'est fabriqué aux États-Unis. Voilà, voilà. Make beer great again. Et mon... putain. Ah merde. Ah, ah. Voilà. Eh bien, on a un accident en direct. Tu vois, tu fais ça sur ton match. C'est clair. T'es mal, hein. Tu l'as, là. Attends, déjà le jean. C'est la panique. Tout le monde se barre. Il y a les Condés. Il y a les Condés. C'est quoi, Blalé-Endek? Blalé-Endek. Appelez-les-Endek. Attends, voilà. Pose ça. Et voilà, elle a moussu. Bon, le pire, c'est qu'elle s'est même pas faite. Et je crois que c'est la seule bière trappiste non européenne qui mousse comme ça. En tout cas, ouais. Là, pour le coup. Quasiment sûr. Et donc, c'est bah, il reste ça plus que. Asto. Ah oui, It's on a vu Asto. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas vu un truc comme ça, quand même. Oh, enculé. Un G comme sa mère. Un G comme. Ah oui, un beau G comme ça, dis donc. Vas-y, pose un. Une bonne giclée. Attends, vas-y. Encore. Non, mais c'est impressionnant, quoi. Elle a pas kiffé le voyage. Mais ouais, putain. Allez-y. Tiens, je te le prête. Hey, t'as le droit au tocheux capsule. Je me sens assez privilégié. Un accident en direct, putain. Je me sens assez privilégié puisque tocheux m'a fait passer son décapsuleur. En l'absence du décapsuleur du destin. Qui est là-bas. Ah oui, qui est là. C'est... Non, trop tard. Tu vas le faire revenir. Oui, c'est Randall avec 60 ans de moins. C'est ma foi, fort vrai. Je le prends comme un compliment. Tu veux ta bouteille là si tu veux, attends. Non, Randall. Non, c'est Cobalt qui a dit ça. Ah oui. Et donc, moi je vais. Randall a pas l'air d'accord d'ailleurs. Je vais déguster une bière La Déoche Cognac Barrel. Ouh. La cognac barrel est une bière de type ambré travaillé avec du bois de chêne français. Son nez boisé et fruité évoque l'odeur du chai et sa robe havane n'est pas sans rappeler celle du prestigieux breuvage. En bouche, ce sont des notes à la fois corsées et douces que vous découvrez. Une chaleur, un brin insolent. Une chaleur. La cognac barrel se déguste à une température conseillée de 9 à 11 degrés, au calme, sans se préoccuper du reste. Au KLM. Au KLM et sans se préoccuper du reste. Au KLM, la lagueur. La lagueur. Et donc, bon, vu qu'elle est au cognac, forcément, elle est doublement interdite à la madame qui a un gros ventre. Est-ce qu'elle vient de cognac G? C'est de la grossophobie que tu nous fais. Non, Cognac G à vous les studios. Elle vient de Angoulême. Oh, oh, comme les BD. Combien de lait juste, tu peux entendre? 9,5 je crois. Ah, quand même, pas mal. 9,5. Tu l'aurais vu le mois dernier, elle aurait été validée pour le festival des Ouais, vas-y, je te prévu ça pour toi. Non, t'es bon. Ah, mais c'est celle de janvier donc. Non, c'est au février. Ah oui. On est en février. Enfin. Ah si, je crois. Enfin, je crois. J'ai hâte de voir sa robe de Havane. Merci monsieur. Et sa chaleur. Et sa chaleur, ouais. T'as pour voir sa chaleur. Oh, El Rayo. Oh. Allez, bien, ouais. Et la boignée. La guerre de Troie n'aura pas lieu. La guerre. Mais c'est moi, Randall. J'ai le sous-boc, la guerre de feu. Oh, merde. Pas mal. L'homo sapiens. La Neandert Ale. Non. T'as les mecs qui se sont chauffés une soirée, mon ami. L'homo sapiens, depuis l'âge de bière. Cro-cro-cro-magnon. Oui, sur les sous-bocs. Ah, mais c'est ce qu'on a chopé au festival de Toulouse. C'est ce qu'on a chopé au festival de Toulouse. Il m'a entendu en perdre un peu. C'est pas grave. Ah, ça y est, Cobel est synchro. Ah, il est synchro. Bah, il est synchro pour le chin, du coup. Allez, le chin. Ah, c'est l'heure du chin. Allez, hop. Allez, ça les poulets. Tous au milieu de. Ah non, on met plein sur le micro. Plein sur le chromi. De loin, hein. De loin. Allez. Dans les yeux. Dans les yeux. Mais alors, en même temps qu'on boit, putain, ça va être compliqué là, à 6. J'arrive pas, il y a trop de personnes. Ah, ça c'est une bière qui. Eh bah. Qui t'abaisse. Eh, c'est pas pire. Eh, je peux te dire, la lagueur, la mousse là. Hein? Eh, la cunise. Chez moi. La lagueur, la mousse. C'est une bière qui tabasse, oui. C'est la 9,5, c'est ça? Ouais. Ouais, la prochaine est la 10, je crois. Ah, la 10, oh, bien, Cobal, j'adore. Et j'aime vivre dangereusement. C'est une merde de chine. Merde de chine. Merde de chine, merde de Kaline. Oui, en bouteille bonus, bon, on a des bouteilles de bière bonus, mais oui, on ira les chercher au besoin. Oui. Et donc. Tout à l'heure. Parce que ce soir, on finit le Nika. Voilà, carrément, prune. Spoiler. Tu sais, on a déjà tué une prune hier. On a avec nous également une bouteille de Nika, un coffee malt whisky, donc whisky japonais. Alors voilà, pour la finir quand même, elle n'est pas entamée de beaucoup. Donc, bon, ça fait pas peur. Qui a peur est un peu heureux. Va falloir se donner un petit peu quoi. C'est ça, et sachant que si vous en voulez, il y a des cubes réfrigérants. Il y a des pailles. Ouais. Au frais. Il y a des petits glaçons. Il y a du coca. Il y en a quatre. Il y a l'eau du robinet. Ah non, si c'est des cubes sans eau. Ah, je suis plutôt jus de pomme. C'est des glaçons en métal. Donc des glaçons whisky. Des pierres à whisky. Voilà, esprit. Voilà, je pense qu'on peut enchaîner sur ça, voilà. On en est où ? On en est là, présentation du contenu, patati patata. Donc c'est l'heure de l'imposer de monsieur Azertov. Salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Vous êtes prêts ? Alors allons-y. Faites une forme de saucisson qui coupe au milieu. Voilà, et puis faites pareil des saucissons comme pour les jambes. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Un personnage sortant des flammes, tel un survivant. Et donc l'imposé de cette session, c'est Punk Rock Jesus de Sean Murphy, donc au scénario et au dessin, parce que c'est un comics. Presque un roman graphique. Je sais de sources sûres que toutes les personnes sociétaires ne l'ont pas forcément lu en entier. Oui. Bah, bravo les sociétaires. Moi j'ai eu un crash de PC. Donc effectivement c'est dur à lire. Moi j'ai eu 10 jours donc non. C'était trop court. Comme la bite à Gandalf. Ça après je suis pas allé voir. Moi non plus mais je sais. Donc on vit très bien sans le savoir. J'imagine très bien. Histoire de faire un petit topo sur la BD avant de parler de la BD. Donc Sean Murphy est né en 1980 aux États-Unis. Il a suivi un cursus de travaux il a fait un cursus artistique, j'en perds mes mots. Il a commencé à travailler comme encreur en 2005 chez Dark Horse. Ouais. Puis ensuite chez DC sur du Batman et là j'ai le Scarecrow, donc c'est l'épouvanteur, non le... Scarecrow. Ah oui, c'est vrai. C'est le hibou là le... Non, pas le hibou, mais c'est celui avec le masque de Antoine qui est l'épouvantail. Ouais. Voilà. Donc son premier véritable comics fait par lui-même, donc c'est Off-Road chez Unipress en 2005, donc quasiment la même année où il a commencé à travailler chez les trois autres. En 2010 sort le premier chapitre de Joe the Barbarian, ou en français Joe l'aventure intérieure, chez Vertigo. Donc là c'est par contre scénarisé par Grant Morrison. Ouais. Voilà, donc c'est pour faire l'histoire de Joe l'aventure intérieure. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon diabétique qui fait une crise chez lui et il imagine un monde avec ses jouets. Où il rentre dans son monde féerique avec les jouets, avec tout le monde, ses souris, ses chars, ses petits soldats et tout. Donc c'est un beau petit pavé et c'est vachement bien. Donc c'est en 2012 qu'il commence à publier Punk Rock Jesus, toujours chez Vertigo, donc au dessin et au scénario. À ce moment, donc, quand il a commencé à l'écrire, il a 23 ans. Et chose importante, il est catholique à ce moment-là, quand il commence à écrire. 5 ans plus tard, il se définit comme un militant athéiste et qui lui a valu de se fâcher avec une partie de sa famille, sachant que je crois que c'est sa mère qui était très très très très catholique et que du coup, il y a certaines idées dans ce bouquin qui reviennent en fait de sa mère et que lui, il a voulu se battre entre guillemets contre ça. Donc c'est ce que j'ai marqué dans ma chronique. Donc ça se sent au niveau de ce changement dans son écriture, c'est le propos global du comics. Dans les lignes de dialogue, le clone de Jésus est blanc aux yeux bleus, presque blond. Donc c'est ce qu'on a dedans. Et page 24, donc il y a une petite partie, c'est « Je ne suis pas sûr pour les yeux marrons, docteur. On peut les faire bleus. » Donc Office, c'est le gros groupe finance et produit Chris le clone. Office va vouloir que le clone sorte tout droit d'une Bible pour enfants, peau claire, yeux bleus. Le médecin lui répond, mais Jésus-Christ était un sémite, sans ce trait génétique, ça va ressembler à un membre de boys band. Ça n'a rien à voir. Donc, on voit que, déjà, au niveau des termes, on a un clone de Jésus qui ressemble plus à un caucasien blanc blond que quelqu'un qui est typiquement de Jérusalem, qui a la peau un petit peu foncée, les traits physiques de personnes vivant à Jérusalem. Main devant les yeux, main devant le visage. Voilà, tout ça. Tout ça. Donc, voilà pour la petite présentation. En 2015, il est au dessin, toujours avec. Non, cette fois-ci avec Marc Millar sur Chrononauts. Donc là, qui est une histoire de voyage dans le temps. Donc on revient un petit peu sur l'épisode 1.1 de tout à l'heure, enfin du mois précédent. Sur les voyages temporels et qu'est-ce qu'on fait les... Ah non, mais c'est. Mais là, en fait, c'est. Tout le propos de Chrononauts, c'est un petit peu ça en fait. Ils voyagent dans le temps, il y a des effets papillons, et ils reviennent d'un coup et ça annule quasiment tout. En fait, ils reviennent comme s'ils avaient rien cassé à la temporalité. Mais après, c'est bien dessiné. De toute façon, c'est Sean Murphy au dessin, donc c'est souvent bien dessiné. Donc. Pour revenir au propos de Punk Rock Jesus. Donc c'est l'histoire de Chris, qui est le clone, enfin soi-disant le clone de Jésus. Parce qu'une grosse société, donc Office, a réussi à récupérer le sanctuaire, à récupérer de l'ADN sur le sanctuaire, et du coup a créé un clone à partir de soi-disant cet ADN-là. On va retrouver une mère vierge qui va du coup enfanter Chris. Enfin, qui va donner naissance à Chris. Gwen. Oui. Il me semble qu'elle s'appelait Gwen. Ouais, oui, Gwen, c'est ça. Et on va suivre en fait ces péripéties. Donc, le tout début, donc, c'est un gros pavé de. Que je retrouve un peu de pages, mais c'est un gros pavé, il doit faire 300 pages. C'est 256 ou 263, un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. Où en fait, t'as vraiment toute l'histoire de la naissance. Conception même. De la conception, donc avant sa naissance jusqu'à. Alors je sais pas si c'est jusqu'à la fin, mais c'est jusqu'à la fin en fait de. Alors comment dire ça sans trop spoiler, de son arc narratif pour voir la conclusion en fait de savoir si c'est bien le clone de Jésus ou non. Pour pour pas détailler les informations. Et. Donc le twist, c'est que assez tôt dans son histoire, en fait, Chris va s'émanciper d'Office, enfin, du coup de J2, société, donc c'est la société. Là, le J2, c'est la production qui fait le. Parce qu'à la base, on est quand même dans la télé-réalité. C'est la télé-réalité, c'est ça. Donc ils font un clone et ils essayent de voir en télé-réalité ce que ça donne, les pouvoirs et tout. Donc on a vraiment un contexte de. Mise en situation et de bourrage de crâne. Il a marqué un truc alors qu'il sait pas lire sur des cubes. Il les a bougés de loin, donc c'est un miracle. Ouais, le miracle. C'est le miracle du bouquin, donc ils sont tous émerveillés. Donc je vais demander à ceux qui l'ont lu ou qui l'ont un petit peu parcouru ce qu'ils en ont pensé. Oui, monsieur. Monsieur Gandalf, mais je vais faire tourner la BD. Je vais faire tourner la BD, messieurs. Tu oublies surtout un gros élément en faisant ce. Oui, j'essayais de faire assez. Parce qu'il y a. Tu oublies surtout la figure du quart de corps. Oui. C'est ce que rappelle Randall dans le chat. Voilà. C'est pour moi peut-être même le personnage le plus intéressant du livre, je trouve, à mon humble avis. Franchement, je trouve que c'est un personnage hyper intéressant. Il y aurait vraiment plein de. Il paraît bourru au début, mais je trouve qu'il est bien raconté, bien amené. Il est. Enfin, c'est vraiment un mec très bourru. Parce que c'est. On l'apprend assez rapidement. C'est. Dans les premières pages, je trouve que c'est une ancienne de l'IRA. Oui. Donc. La républicaine irlandaise. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est pas un fan de cœur. Il est très protestant, c'est protestant, c'est ça, c'est même vraiment. Ouais, c'est possible. Je sais plus. Je crois qu'il est protestant. J'ai un blanc. Blanc. Gérard. Non. Michel. Michel. Blanc. Michel, blanc surtout. Et après, alors oui, moi j'ai trouvé ça super intéressant. De toute façon, déjà, c'est hyper bien dessiné déjà. Après, c'est quand même hyper touffu. Par contre, c'est très verbeux. Très très verbeux. Mmh. Des fois, ça se perd un peu circonvolution dans certains trucs. Ça fait très méta pour être méta, des fois. Mmh. Donc, ça coupe un peu la lecture. Mais après, non, mais c'est je trouve que le propos est bien amené. Ouais, c'est franchement super intéressant. Là, il faut que je le relise parce que j'ai acheté la version plus grand format. C'est la version collector pour les 5 ans. Ouais, ça. Ouais, que, d'ailleurs, merci. C'est ce qu'on a vu au TGS, c'est ça qu'on a vu, ouais, le gros pavé où il y avait quasiment la moitié du tome en page blanche qui était dépeint. À noter que la tranche sur ces volumes des 5 cales, je sais pas ce qu'ils ont sané chez Urbain, la tranche est plus petite que le livre. Ah. Donc en gros, mon père s'est rendu compte, il a acheté le dernier, La Guerre de Darkseid, il a lu. Le lendemain, il le reprend pour le lire. Ça se détachait. Heureusement que mon père est très manuel, donc il a tout recollé. Mais ouais, il m'a montré, j'ai beaucoup rigolé. Et j'espère que ça fera pas le dos, pas la tranche. Ouais, le dos. Là où c'est relié. Ouais. Ouais. Mais après, moi, sur l'histoire, en elle-même, j'ai pas pu pousser hyper hyper loin. Donc j'ai eu quelques petits soucis, comme je vous ai dit. Mais sur le peu que j'avais lu, ce qui m'avait marqué, moi, c'était surtout sur l'aspect graphique. On a énormément de contraste noir-blanc. Mmh. Je sais pas. Si c'est justement scénarisé ou s'il en profite pour jouer avec tous ces contrastes. Moi, il y a un truc qui m'a frappé surtout, c'est que dès le début, j'ai eu énormément de mal à décoder tout. Oui, c'est... Je ne sais pas si vous avez eu la même difficulté que moi à vraiment bien lire les scènes correctement, à bien comprendre toutes les implantations. J'ai eu énormément de mal de ce côté-là. Oui. Bah, après, c'est l'une de ses premières œuvres. Mmh. Enfin, c'est la deuxième, du coup, oui. Après Off-Road. Donc, c'est pas mal, hein, franchement. Enfin, c'est un personnage. Il a quelque chose, mais c'est pas forcément net dans son découpage. Sur Batman, Batman, c'est plus propre. Oui. Mais voilà, moi c'est l'effet que ça m'a fait. Bon, après j'ai pas pu pousser plus loin. En plus, surtout que le contexte du livre, en plus il est lourd, tu vois, t'as pas mal de trucs qui s'empilent assez rapidement. L'introduction du livre, donc, c'est sur le garde du corps, ouais. Où il est enfant et en fait il est en Irlande dans la NRA. Non, l'IRA. Ouais. Bah, lui non, il est gamin quoi. Mais tu vois déjà la construction. C'est ses parents qui sont militants de l'IRA en fait. Qui sont, oui, ça, voilà. Et un petit peu lui par extension, enfin, même s'il est qu'un enfant. Après il les rejoint. Il les rejoint où t'as. Voilà, déjà tu rentres dans le propos où t'as des personnes qui se battent aujourd'hui pour leur foi, enfin. Leur conviction. Enfin, et du coup, ils sont massacrés et donc c'est dans les premières pages en fait. L'enfant est caché dans un placard sous l'escalier, je crois, un truc du genre. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Et avec un son père lui dit, tu te plantes là, je vais t'appeler, tu ouvres. Mais sinon, si c'est quelqu'un d'autre, tu tiens. Et il y a une mise en scène où en fait, on entend quelqu'un arriver et il tire. Il a fait ce que son père lui a dit, sauf que. Bah, la case d'après, on découvre en fait que c'est son père qui était en train de marcher, donc on le voit allongé par terre avec le shotgun en pleine poitrine. Donc tu vois déjà que ça marque un petit peu les esprits pour ce personnage-là, qu'on va voir du coup évoluer en garde du corps assez. Le voisin en moto qui va arriver, qui est assez quand même. Il fait de la moto d'ailleurs. Fort, c'est ça, ouais. C'est la même moto apparemment, donc c'est bien. C'est le même voisin. C'est le même voisin. Ah, c'est le même voisin. Non, c'est pas le même voisin. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Donc, on parlait de l'évolution du gamin qui a shooté sur son père. Oui. Donc, c'est voilà. Pas shooté dans le bibi. Une partie de l'intrigue de cette histoire-là, c'est quand même le garde du corps qui évolue. Il a vraiment du petit peu entre voilà, le guerrier un petit peu bourrin, vraiment le garde du corps vraiment bourrin, mais qui tue pas. Au grand cœur. Et on ne sait pas au tout début pourquoi il tue pas. On va le savoir dans la fin. C'est bien amené aussi. Et en fait, dans la construction, j'ai l'impression que tout est logique. Aussi bien le retournement de Chris par rapport à la société de production, quand il s'en va, le fait qu'il fasse du punk rock, pas forcément anti-establishment, mais voilà, oui, c'est, il se bat justement pour dire mais non, je suis pas Christ. Il fait pas de rock chrétien, quoi, en gros. Non, c'est ça, voilà. Il se bat contre, il y a vraiment le, en plus les fous de Dieu qui sont là, qui disent oui, nous on sait que c'est pas lui, mais c'est une aberration d'avoir fait ça, donc ils sont vraiment contre lui. Et il y a vraiment une opposition entre Christ qui est tout seul et ce groupe de chrétiens qui se battent pour leur foi. Mais c'est vraiment l'histoire de Murphy, en gros, qu'il a voulu faire passer, genre lui qui vient d'une famille très chrétienne et qui se rebelle contre tout ça. Et du coup, au départ, non, il faut le dire comme ça. Non, bah, au départ, non, quand il a commencé à l'écrire, mais plus ça va en fait dans cette opposition, tu sens qu'en fait c'est aussi son histoire où lui se détache de sa famille. Parce qu'il dit j'ai arrêté de prier en 2003. Là, ça fait déjà 10 ans avant. Peut-être qu'il commençait en fait tout doucement à s'éloigner de son carcan familial. Et donc chrétien. C'est ça. Donc si. On attendait de savoir ce que t'en pensais, c'est tout ça. Simplement. Et oui, bah après, je suis pas non plus un historique de ce qu'il a fait ou de l'histoire du christianisme, mais tu sens au niveau de son écriture et du propos que vraiment il change de cap durant l'écriture du truc. Durant l'écriture. Ouais. Et tu vois que plus ça va, et je pense qu'il allait aussi au bout de dire voilà, je commence un petit peu et je vais pas m'arrêter en chemin, mais je vais, même si lui il s'est peut-être arrêté dans son histoire, j'ai l'impression qu'il est allé plus loin, il a vraiment poussé le bouchon au bout. Parce que Chris, donc quand il rejoint son groupe de musique, de punk, il dit on va faire un concert à Jérusalem. Et donc là, t'as le garde du corps, il fait non, mais c'est dangereux parce que aux États-Unis, aux États-Unis, tu peux. T'es protégé. T'as les lois, je suis là. Là-bas, ça va être différent, ça va être compliqué. Il y a les terroristes. C'est ça, c'est dit crûment comme ça. Il dit là-bas, les Arabes, ils seront pas. Oui. Il dit crûment comme ça dans la BD, quoi. Ouais. Donc. Ils vont quand même à Jérusalem pour essayer de faire leur concert, mais il se passe quelque chose que je ne vais pas vous dévoiler. Spoiler. En tout cas, ça donne envie de lire la BD, ça a l'air très intéressant. Ouais, mais après, ouais, c'est assez chouette. Après, au niveau des dessins, voilà, vous avez pu voir sur les chrononautes, c'est sur Joe l'aventure intérieure. C'est quand même... C'est pas Zizou, quoi. C'est au niveau du dessin... Ressousse, c'est pas Zizou. C'est Ressousse. Sean Murphy, Messi, c'est Messi. Sean Murphy, c'est pas Mickey. Oh, pas mal. Sean Murphy, c'est pas Mickey. C'est pas Mickey. Au niveau de son dessin, il tâte quand même un petit peu au niveau des expressions. Il est jeune, c'est impressionnant. Oui. Pendant ça, à 23 ans, quand même. J'avoue, à 23 ans, je joue avec mes crottes de nez encore. Bon, j'en ai 22, mais. Allez hop là. J'imagine que ça va pas changer en un an. Et après, au niveau de son historique, donc lui, actuellement, il bosse pour DC. Il vend des lave-linges, il fait un Batman White Knight, le chevalier blanc. Blanc, ouais. Ah, je suis le chevalier blanc, je viens, on n'aurait pas l'Alsace et la Lorraine, c'est bon. Thierry l'Ermite, c'est Gérard... Ah, c'est Gérard Lanvin, exact. Pourquoi je dis Thierry l'Ermite? Parce que t'aimes bien Thierry l'Ermite. Ouais, oula, ça va un petit peu. Voilà, il aime bien Thierry l'Ermite. Ouh, mais ça serait Thierry l'Ermite. Mais sincèrement, je préfère Laurent Doucet. Oh, révélation. Non, plot twist. Révanation. Révanation. Et donc, il travaille actuellement donc, sur du Batman, où le principe, c'est que le Batman et le Joker ont switché de caractérisation, en fait. Batman est devenu méchant. Mm-hmm. Et le Joker veut devenir gentil, en fait, et être le Batman du Joker, en fait. Pour faire simple. Mm-hmm. Très simple. Bah, t'as Batman qui se bat contre le Joker, parce que le Joker est méchant. Mm-hmm. Et dans cette histoire-là, le Batman est devenu le Joker, en termes d'archétype. Ouais. Et donc, du coup, le Joker est devenu le Batman du Joker. Et Alfred. Alfred, je sais pas, parce que c'est Harley Quinn, Alfred. C'est en cours actuellement. Commissaire Gordon. Harley Quinn. Mais non, non, elle y est déjà. Ah, donc, c'est en cours actuellement aux États-Unis et ça devrait arriver, je sais pas quand. Rondelle, elle a l'air super hypée. Fun fact, pour l'instant, c'est ni en janvier, février, mars ou avril que ça sortira. Qu'est-ce qu'il dit Oui, c'est ça, c'est Superior Spider-Man version Batman, c'est ça. De toute façon, sur les plannings urbains, pour l'instant, ça y est pas. Donc, premier semestre, pour l'instant, c'est un peu. Premier trimestre, c'est bouclé, premier semestre, c'est mal bordé. Mais ça arrivera, hein. Oui. Eh oui, c'est Sean Murphy. Et donc, du coup, Asto, quand. Contanu. Non, ça veut rien dire. Qu'est-ce que tu en as pensé? Cactus. Contanu. Contanu. Honnêtement, je vois pas où tu voulais en venir avec ça. Contanu pensé. Canatu. Canatu pensé. Canatu pensé, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai pas pu en lire beaucoup. Donc, du coup, de ce que t'as lu. J'ai pu lire que l'ouverture. J'ai lu le premier chapitre. C'était déjà pas mal. Ouais. C'est pas mon style de lecture. Donc j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. C'est aussi pour ça que j'ai pas forcément beaucoup poussé plus. Même si je trouve la thématique de la BD intéressante. Le dessin est correct, il est très très bien. Mais voilà, c'est vrai que moi le côté gros pavé, ça m'a fait un peu peur. Et j'ai été assez réticent en fait. J'avais pas envie de le lire. En fait, tout simplement. Même si ça a l'air bien et que ça pourrait me plaire, j'avais pas envie d'aller de le lire et de me forcer à le lire. En fait. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je suis pas allé plus loin que le premier chapitre. Avec plus de temps, oui, j'aurais probablement continué et fini le bouquin, mais. Bah, moi après je sais que quand je l'ai lu il y avait certains propos vraiment vraiment là que c'est pas gentil hein. Il y a un moment il y a des propos donc c'est un journaliste qui interroge des armées un général militaire, je sais plus quoi justement par rapport à sa position sur le Christ où c'est vraiment le militaire a une vision très scientifique. Ou c'est peut-être un scientifique. Ouais, si et le journaliste a vraiment. Dans les bottes, il est vraiment. Dans la connerie. Et là, de lire le fait qu'il soit vraiment chrétien à fond, ça m'a un petit peu fait tomber le livre de main. C'est un peu dur à lire parce que c'est des conneries ce qu'il dit. Alors que la version scientifique, oui, on sait pas. Ça vient du Saint-Suaire. Donc du coup, c'est forcément lui et tout. Donc, j'ai eu du mal à le lire en entier d'une traite. J'ai lu en plusieurs fois. Bonjour Anna. Salut Anna. Salut Anna. Ah mais Anna, mais que pour Asto. Du coup. Ouais. Du coup. Bah oui, attends. Pour une fois que c'est que pour lui. Non, vous avez déjà eu du coup pour moi aussi, mais c'est dans le sens. Et donc, est-ce que ça vous a donné envie de lire pour péter Non, mais les gratons de canard, c'est vraiment bon. Mais oui, ça vous a donné. Ouais, ça a l'air très intéressant. Moi, je pense que je vais me l'acheter. Mais après, comme secondaire, ça a l'air de pas mal parler. Et... Oui. Ah ouais, c'est. Ouais, déjà, en plus d'être un pavé, je pense que c'est peut-être. Ça va le pire, c'est que vraiment, c'est touffu, quoi. Bah, c'est pour faire une petite comparaison avant de donner la parole à Noé, ça ressemble un petit peu à du Death Note au niveau de. Au niveau du blabla. Non. Où c'est très très verbeux un moment. Mais Death Note, c'est pareil, t'as des bulles, et t'as fait deux cases. Alors t'as déjà 6 bulles dans la même case. Ah oui, quand même. Voilà. À toi, Noé. Ouais, non, moi je voulais juste dire que j'ai vu dans les annexes qu'il y avait une playlist. Oui, il y a des. Qui a été fait, ouais, et ça c'est vraiment sympa, les espèces de BD un peu interactives comme ça, où tu peux écouter du son. En plus, il y avait des trucs vraiment pas mal. Ouais, le premier c'est Marilyn Manson. Ouais, il y avait aussi Kavinsky, il y avait Stick and Fingers, il y a vraiment des trucs sympas. Rob Zombie. Je suis choqué dessus. Oui, parce que chaque chapitre est. Et en rapport avec une musique. Et en rapport à une musique, et je crois que c'est la première ou la dernière page du chapitre qui donne le titre du chapitre. En fait, t'as une petite cassette avec le nom de la musique sur le côté. Bah, c'est vraiment sympa, ça s'ancre dans quelque chose de réel en plus, donc c'est cool. Bah, c'est un peu ce que faisait Werber. À la fin de chacun de ses bouquins, où il te mettait toutes les musiques qui avaient servi et qu'il écoutait, et qui lui ont servi de support à l'écriture. Il utilisait souvent des musiques en ré, Werber. Alors attends, Google Treasure Tower, parce que celle-là elle est pas mal, je connais un truc qu'elle a. Non seulement j'ai pas compris tout de suite, mais en plus j'ai été déçu. C'est moche. J'ai essayé de faire du Randall, mais j'ai encore un long chemin devant moi. Après, pour passer vite fait sur les autres. Ouais, Chrononautes, ça a l'air cool. C'est du voyage dans le temps, alors ça me plaît. Non, mais dire que c'est de la merde, tu veux dire que c'est de la merde. Bah, mais dis que c'est de la merde, vas-y. Non, mais c'est pas que c'est de la merde, c'est que en fait, ils voyagent dans le temps, voilà. Ils modifient vraiment les périodes. Par exemple, ils sont à Jérusalem au moins 500 ans. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec Jérusalem? Il y a des mitrailles. Non, mais je sais plus, mais c'est dans un coin par là-bas. Il y a des navires. Un petit peu. Ah, d'accord. Et ils ramènent des tanks, des mitraillettes, des avions. Ah, oui, bah oui. Et dans le présent, dans leur présent où ils sont partis. Bah non, mais il n'y a aucune trace de ça. Alors qu'on suit en fait en parallèle leur voyage dans le temps. Il n'y a pas de causalité dans le. Voilà, donc tu te dis, tu es en train de dire, ouais, ils sont en train de modifier pas tout. Si t'as pas d'enjeu du coup. Ouais, bah non, c'est ça, t'as pas d'enjeu. Tu vois qu'ils font ce qu'ils veulent dans toutes les époques, ils voyagent d'époque en époque, récupérer 5 femmes, et les mecs, ils ont aucune trace que le docteur, je sais plus comment, qui est perdu dans l'espace, qui est perdu dans le temps en fait, est apparu plusieurs fois dans l'histoire. À aucun moment, ils te disent, ah mais ici, il était là. Et ils envoient une brigade. La brigade. Courser après. Mais ils savent qu'ils ont été à un certain point, à une certaine date. Mmh. Donc tu peux envoyer ta brigade temporelle à ce moment-là. Mmh. Alors que là, ils cherchent des solutions pour dire, ah, on les a perdus, on sait pas où est-ce qu'ils sont. Putain, ça, c'est les jumps of tomorrow. Quoi. Mais oui, c'est là, tu dis, mais vous êtes cons, ils ont modifié l'histoire. Donc, c'est-à-dire que dans l'instant, dans le récit, s'ils ont modifié l'histoire, dans votre présent, ils ont forcément eu un impact sur vous. Sinon, ça s'est bien passé. Et du coup, ça sert à rien de faire une BD là-dessus. Ouais. Ouais, bon, bah voilà, maintenant j'ai plus envie de lire des trucs. Ouais, là tu m'as pété. J'ai envie de lire. Après, c'est ce que moi je trouve. Non, mais c'est moi, c'est parce que j'en ai à peu près pensé aussi. Moi je te fais confiance. Mais après, c'est joli. Ah, mais non, mais c'est joli. Ok. Après, je suis peut-être passé aussi à côté du propos de Mark Millar qui souvent a des scénarios un petit peu alambiqués, un peu plus profond que ça. Donc pour c'est info, ça. Mark Millar, c'est celui qui a fait Kick-Ass. Monkey. Casse-cul. Huck. etc. Donc, Kingsman. Et Kingsman, voilà. Donc c'est pas Zizou, quoi. Mais ça va être le mot du le mot de la session. Et pour Joe l'aventure intérieure, bah c'est sympa à lire. Diabète sur ça. Ouais, est-ce que c'est un lien avec le film L'aventure intérieure? Non, parce que c'est Joe the Barbarian en anglais. Donc ouais. Pas du tout. Parce que là, ils ont traduit ça pour que ça soit en fait plus une histoire que lui vit en fait. C'est ça, ouais. C'est pour juste noter c'est le fait que c'est sa propre histoire qu'il essaie de construire aussi bien dans son imaginaire quand il est avec ses jouets. Que dans le réel où il est en train d'essayer de parcourir sa maison pour récupérer sa dose. Ça, c'est ma dose. Il voulait récupérer. Tu veux quelque chose? Et c'est aussi un bon petit pavé quand même. Ce sachant que sur Chrononautes, donc il y a un volume 1. C'est-à-dire que normalement, un jour, il y aurait une suite. Avec peut-être justement des éclaircissements. Des éclaircissements. Dans le volume 2, ils vont revenir dans le volume 1. Ouais, c'est ça. Et en fait, on se voit... Bah, à un moment, justement, ils sont en train de jouer dans un saloon ou dans un casino. Et ils sont en train de gagner. Et en fait, ils disent, bah oui, on est en train de gagner. Parce que hier, tu vois, on était là-haut en train de noter. Donc, tu vois une case où ils sont en train de se voir et se faire coucou. Donc, Il y aura peut-être aussi le pendant. Ça, c'est méta. Ça, c'est bien. Et voilà, pour moi. Sauf si vous avez d'autres choses à rajouter. Drop the mic, en Randall qui nous conseille de lire Joe, l'aventure interne. Oui. Ah, puis c'est diabète sur veine, alors. Ça a l'air de souligner. Eh bien, si c'est tout pour toi, on va dropper le mic. Oh. Bah. Mais vraiment doucement. Hein. Mais on va d'abord passer à la rubrique suivante, la question aux invités. La rubrique. Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens! Viens! Viens! Allez, viens! Viens! Allez, viens! Viens! Viens! Allez, viens! On va manger des chips! T'entends? Des chips! C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips! Triggered. Alors, la dernière fois on a commencé par Noé, je crois, c'est ça? Ouais, oui. Alors, on a commencé par Pépé. Sophie, je réponds par vous. À part, entre 1 et 90. 100, la 52 et la 53, bien sûr. Allez, la 83. Si c'est flag, je me tire une balle là. Non, ce n'est pas flag. Ah, c'est une question. C'est Anna. Non, c'est une question philosophique. Oh merde. Hop. Faut-il s'armer de patience pour tuer le temps? Oh, ça c'est beau, c'est beau. On dirait une citation, tu sais, dans les agendas que t'as au collège. Vous faites chier les gars, moi je suis là pour faire des vannes rapides, faciles. Moi j'ai des gratons. Pour produire une. En fait, la vanne c'était la question. Du coup. La vanne, du coup. Moi je dirais oui. Tu veux une explication? Bah écoute, Mais est-ce que t'as du temps? Parce que ça va être chiant. Donc arme-toi de patience. Et est-ce qu'il faut s'armer de patience? Il faut remonter à l'ère mésozoïque. Bon, tu dis oui, tu dis oui. Non, ouais, moi je dis oui. Hein. Clairement, je dis le numéro 42. Ah. 42, je crois ça. Chose la réponse est qui en soit une réponse. Oh là là, on est un podcast geek. Oh bah, on est un podcast geek, alors la question 42, quelle est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste? La réponse 42, du coup. Voilà. Voilà, c'était encore une rubrique très rapide. Fort rapide. C'est encore un militaire qui gagne une trame à rideau. Plus rapide que la dernière fois. Avec la fois, on fait 30 secondes. La question à Jonjon, est-ce que si on va à la vitesse de la lumière... Qu'est-ce que les phares éclairent? On avait passé 10 minutes dessus. Oui, mais non, c'est clair, si ça peut pas être devant toi vu que tu vas à la vitesse de la lumière. Donc du coup, tu les vois derrière toi et en même temps, mais tu ne vois pas devant. Putain, puisque cette rubrique a été expédiée, on va pouvoir passer au truc de Noé. Le truc de Noé. Encore un jingle invité, le même. Ouais, bah oui. Elle est bien. Je veux bien que tu viennes. Allez, viens. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Tu veux le whisky? Ah, oui. Ah, je crois que c'est bon du coup, ouais. Alors, Noé, que nous as-tu préparé? Eh bien, moi, vous savez, je suis en fac de communication et je me suis dit, pourquoi ne pas vous parler d'un exemple marketing concret et qui fait cas d'école? Donc voilà, je suis parti là-dessus. C'est un peu le 101 de la communication. C'est du gros niveau. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, taper dans l'art, comme on dit vers chez moi, on va faire un petit tour d'histoire et on va aller en Hollande. Qui est l'autre pays du fromage, comme on disait dans le numéro 0 de Après ça, on peut mourir tranquille. En 1680, Dirk Verheerken, alors désolé si j'écorche les noms, Verheerken, il possède une petite ferme sur le Kerdirk, vers Rotterdam. Et en se levant un beau matin, après une courte nuit dans le froid, il lui vint une idée. Il dit, mais pourquoi je me lancerai pas dans la bière? Alors, caca. Il s'écoute lui-même, il lance sa petite start-up, hein, une petite micro-brasserie. Parce qu'il y avait déjà des abattements fiscaux. Ouais, et puis en plus avec ses APL qui avaient baissé, il était un peu dans la merde, donc il fallait qu'il bosse. Il commence à produire son propre alcool de qualité tout à fait recevable, hein, et puis c'est un savoir-faire qui va commencer à se perpétuer de génération en génération, et plusieurs familles vont reprendre le flambeau, après lui, puisqu'on ne vit pas éternellement, vous le savez. Il y a la famille, par exemple, Van Morsel, ou la famille Maurice. Alors oui, Maurice, ok, ça sonne facilement français, mais ça s'écrit quand même avec deux O, deux R et deux E. Maurice. C'est Maurice. Maurice. C'est M-O-O-R-R-E-E-S. C'est Maurice. Maurice. Guillaume Maurice. En 1773, c'est la famille Zwinkel qui reprend l'affaire, et c'est là que commence notre histoire. Parce que c'est avec cette famille-là... Donc Gérard Bast. Ouais. Le groupe de musique. Putain, Gérard Bast, TTTC. Les Zwinkels. Alors c'est chiant, les Zwinkels. Bon, d'abord, les Zwinkels, qui n'est pas le groupe de Gérard Bast, ils vont changer progressivement le nom de cette fructueuse brasserie, hein, et petit à petit, ça va arriver au patronyme qu'on connaît aujourd'hui, Bavaria. Alors, Bavaria... Bavaria, oh merde. Bavaria, c'est une bière hollandaise. Hein, Comment c'est pour toi, ça qui pourtant a une très belle histoire d'amour avec le cher pays de notre enfance, je pense qu'on a tous le même. C'est la France. Mais c'est un petit peu péremptoire ça. Moi je m'y avancerai pas. En 1992, la famille Zwinkels débarque pour partager leur fabuleux nectar avec les habitants du pays de Victor Hugo et d'Alain Finkielkraut. Et pour. J'étais en train de voir le whisky, fais gaffe, merde. Pour ce faire, Bavaria va lancer une marque spécialement pour nous et pas les autres, et ça c'est un peu une fierté. Hein, c'est une marque qui s'appelle 8-6. Alors je vois déjà vos yeux qui brillent à l'évocation de... J'ai même vu l'appendice labial de Gandalf se faire lécher subrepticement, donc c'est vraiment un nom qui laisse personne... C'est un peu comme le chien de Pavlov, t'as déclenché la salivation, Exactement. 8-6. Pavlov's Dog, très bon groupe. Ouais. Ouais, avec David Sirkane qui dit, selon la légende, se faisait des gargarismes à l'huile de vidange. Alors on s'écoute ça tout de suite. L'huile de vidange, on fait ça tout de suite. Bah justement, on n'est pas trop loin de l'huile de vidange, hein. On va revenir sur le pourquoi cette bière est si célèbre. Alors d'abord pour son conditionnement, et oui, hein, y a pas que les téléspectateurs de Touche pas à mon poste qui peuvent se faire conditionner vers le bas. Bavaria, eux, ils vont se conditionner mais vers le haut, puisqu'ils vont être les premiers à faire des canettes de 50 centilitres sur le marché français. 50 ? C'était les premiers ? En fait, il y avait très très peu de marques qui s'y essayaient, et aucune marque de bière à plus de 5 degrés. Parce que oui, la 8-6 c'est un peu plus de 5 degrés. Ah mais donc c'était pas les premiers. En France, en Belgique, t'avais la Jupie et la Masse qui faisaient ça. Uh-huh. Et en France, c'était vraiment nouveau. Et aujourd'hui, si vous allez dans une supérette, hein, vous regardez dans le frigo, normalement, vous avez beaucoup quand même de belles canettes de 50 et pas que de la 8-6. Alors, c'est New York, du coup, grâce à 8-6, hein, la bière en canette ne sera plus jamais un gros mot. Bavaria va même mettre en évidence l'aspect métallique des canettes. Ils les cachaient pas avant, maintenant ils font un peu plus ça, mais c'était des belles grosses canettes en métal et ils jouaient vraiment là-dessus. Il jouait aussi sur les textures, je sais pas si vous vous souvenez de la 8-6 Gold, moi je m'en souviens bien, avec la petite canette renfoncée qui tenait bien dans la main. Il y avait aussi avec un antidérapant là, qui était mat, qui était vraiment pas mal. Ouais. Surtout après 3 canettes, ça sert beaucoup, parce que c'est vrai que la 8-6, c'est particulièrement fort en alcool. Déjà rien que le nom 8-6 pour 8 degrés 6, vous l'aurez dit. Ce qui était bien, c'est que c'était facile à décapsuler, parce que généralement, la languette n'était pas complètement plaquée, donc c'était facile à décapsuler. C'est bien dire qu'on aurait dû inviter en fait. Putain, c'est clair. Mais heureux, mais je vous en ai pas ramené parce que je sais que ça a déjà été fait, mais sinon... Bon, ouais, petit fun fact sur la 8-6 que vous pouvez ressortir en soirée si vous voulez passer pour des intellectuels, ça passe super bien. Sous un pont en soirée. Pendant un bon moment, en fait, la 8-6, elle était à 7,9 degrés pour éviter de payer des taxes en fait pour les bières au-dessus de 8 degrés. Mais depuis pas très longtemps, ils ont refait la 8-6 à 8-6. Alors, la 8-6 Bavaria, c'est aussi un mythe hein, dans le monde des spiritueux en général. Il y a même un groupe de skinheads qui s'appelle le 8-6 Crew, et ça, je pense que très très peu d'alcool peut s'enorgueillir, de marques d'alcool peut s'enorgueillir. Alors, attends, j'ai entendu quoi là ? Les 8-6 quoi ? Crew. Le 8-6 Crew, c'est un groupe de ska skinheads. Pour vraiment vous prendre une idée de la température du mythe pour savoir ce que c'est, je vous propose un petit florilège des avis sur la page Facebook de Bavaria. Lâchez vos coms. C'est clairement lâchez vos coms. Donc voilà, florilège comme ça, pêle-mêle. On a Alex Truz par exemple qui nous dit « J'ai aimé cette bière dans les moments difficiles, merci pour tout. » Ah ouais, quand même, ça nous donne des moments sacrément difficiles. C'est un titre de livre ça. Tu nous fais les commentaires 5 étoiles là. Merci pour ce moment. Je te jure que c'est des commentaires 5 étoiles. Merci pour ce moment. Alors il y a Mathieu Louarn qui dit aussi « Une bière dont les 12 arômes d'aluminium et de liquide de refroidissement raviront vos papilles. À boire de préférence à température de corps, le goût n'en sera que meilleur. » Et c'est un conseil de dégustation qui est partagé par Jérémy Rhin qui met 5 étoiles aussi et qui nous dit « Avec le retour du froid, je vais devoir mettre ma 8-6 au micro-ondes pour la conserver à 37 degrés, car c'est là qu'elle est le meilleur. » 5 secondes au micro-ondes. Il n'aura jamais le temps de l'avoir chauffé, sa bière. Alors nous avons aussi Hugo Chailloux hein, qui nous dit « Une bière parfaite pour les moments difficiles. À 5h du matin, tiède sur un parking avec un inconnu te racontant quelques magouilles pour toucher Pôle emploi. » On est vraiment sur une bière de partage, c'est ça aussi l'esprit 8-6. Ouais, ça a l'air mignon, hein. Antoine Parny qui nous dit une bière qui se déguste bien chaude lors d'un festival de heavy metal ou encore devant Lidl avec ses chiens et en portant un sarouel. Il se permet même un petit post-scriptum, peut-être utilisé comme antidouleur. Donc bah, c'est à savoir. Ah, c'est un antalgique aussi. C'est à savoir. Ça attaque à ce point. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il va vraiment falloir que je m'y mette. Rock Malbert, je valide c'est complètement ça, les styles de canette mat, ça glisse beaucoup moins dans les doigts. Force à vous. Au lieu de vous offrir des IPA. Il y a un poème aussi d'Alex Cross, qui... mais tout ça c'est vrai, hein. c'est véridique, c'est vraiment dans la page Facebook de Vitis. Merci de m'avoir redonné goût à la vie, merci d'avoir inventé ce nectar divin, merci de guider mes pas chaque matin, merci d'exister. Et enfin pour conclure, hein, il y a Geoffrey Fardeau qui a su capter à peu près en 4 mots toute l'essence de la 8-6. Simplement, il a écrit « Bon rapport, qualité, mine ». Bon rapport, qualité, quoi ?« Bon rapport, qualité, mine ». Donc voilà, alors, j'espère que cette chronique aura donné envie aux néophytes qui nous écoutent peut-être de s'essayer aux différentes déclinaisons de la célèbre marque. Et il n'y a personne qui l'a essayé à la paille. Ça doit alors, là, juste faire un retour. Là, le rapport qualité-mine, il est exponentiel. Ah, là, tu ah, express, comme ça, tu multiplies là. Ça sent l'imposer. J'ai hâte d'entendre le prochain numéro. Il n'y aura qu'un épisode. Parce que les vivement mars et 8 canettes au fond de la table. Un imposé en live. Comme ça, personne ne peut y échapper. Ah, putain. Bon, quant à moi, si vous me demandez celle que je préfère parmi toutes les mythes, parce qu'il y a beaucoup de. Beaucoup de styles différents. Je vous répondrai la même chose que Silence, hein, du forum Toutes les bières. Attendez, je vais demander à mon évier. J'applaudis. Il y avait un site comme ça qui avait fait un tableau des alcools avec le rapport qualité-mine aussi. C'était très bien aussi. Villageoise. J'ai cherché quelques trucs sur Villageoise. Après, la Villageoise, c'est pas très très fort. Non. Si c'est, je peux mettre des glaçons si tu veux, Pépé. Ouais, bah, des glaçons là-dedans. Voyez. Non, mais des glaçons. Mais Oui, bah ça, je veux dire alors. Juste pour te le rafraîchir. On va mettre des glaçons là-dedans. Par contre, il est maintenant. Luc, il refuserait de le servir. Il mettrait des gifles. Ce whisky est magnifique. J'en prends pas parce que la bière au cognac, là. T'en avais parlé, toi ? De celui-là ? Non, moi j'en ai déjà eu, mais pas celui qu'il y a là. Deux ? Un. Après le. Non, merci, pas pour moi. Non, merci. Mais après, le whisky, c'est pas interdit de l'allonger avec un trait d'eau très fraîche, très pure. Oh, Cobalt qui nous dit que c'était une très belle chronique. Merci, Cobalt. Je suis pas loin de le partager. Mais c'était une chronique qui était presque digne de Cobalt, ouais. on va arrêter. De la préparation, elle est là. Ouais, exactement. On n'en était pas là, ouais. Hop, et ben un petit coup de niquet pour fêter ça. Un petit coup de niquet. Allez, en ce temps, je mange du monde d'or. Mais bon app, je mange du blanc. Pour bon fêter ça, Sir Cobalt. Et on va passer à un quiz, mais en fait un dossier de Gandalf. C'est marqué comme ça dans le conducteur. Vous ne pensez pas. Intitulé Rahan et Pif Gadget. Si, Rahan, l'enfant des Aspoirs Rouges. C'est parti. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. À toi. Anus. Non, à toi, pas Anus. Qu'est-ce que tu... Alors, hop, et... Re-hop. Hop, voilà. Alors, aujourd'hui, vous l'avez dans le titre, je vais vous parler de Rahan. Je vais vous parler aussi un peu de Pif Gadget, parce que Rahan, vous pouvez le lire dans Pif Gadget. Et oui. Alors... Ouais, mais le Nika est à base ta mère, quoi. Non, je peux pas. En parlant de pif. C'est bon, vas-y. Plaît-il ? C'est bon, quand même. Quelles sont les origines de Pif Gadget ? Eh ben, vous savez quoi ? Eh ben, les cocos, c'est un journal communiste. Voilà, c'est les cocos. Mmh. Alors, au début, les cocos, ils étaient très cocos. Quand même, ils étaient coco... mignon. Coco, voilà. J'ai envie de dire coco Rico. Coco Rico, voilà. Rico, ils avaient le look. Coco Rico. Les Rico, tout ça, bref. Et coco... Les coco boers. T'as le look. Ouais, t'as le look coco. Et en fait, ils avaient déjà commencé à faire des parutions jeunesse avant de Pif Gadget. Et le premier journal s'appelait tout simplement Mon Camarade. Ah oui, je m'en souviens. C'est vieux ça. Ça, je m'en souviens pas de ça. Ah mais ça, c'est personne n'était né. Personne n'était né. Camarade. Parce qu'en fait, ça a été... je crois que j'ai une erreur dans la date, mais bon, c'est pas grave. Dans les années 30, on peut plus lire. D'accord. Et par exemple, eh ben, malgré l'actualité brûlante de la fin des années 30... Hein, je vois pas de quoi il parle. C'est un Alexandra. Moi, je ne vois pas de quoi il parle. Malgré l'actualité brûlante de la fin des années 30. Alors, malgré l'actualité brûlante des années 30. Actualité brûlante de la fin des années... Non, je fais Gatrel. Ah, merde, putain. 30. C'est une hémistiche. Le journal évite de trop en parler et préfère divertir ses lecteurs. C'est pas un dessin. Le 26 septembre 1939, considérant que le PCF est du côté de l'ennemi hitlérien, en soutenant le pacte germano-soviétique, le gouvernement dissout le parti et la presse qu'il y a à mon camarade. La plupart des exemplaires de mon camarade sont détruits pendant la guerre pour éviter des ennuis avec l'occupant. Vous voyez, c'est un journal déjà hashtag le truc de nazi. Vous savez que j'aime les trucs sur les nazis. Point Bedouin. Sauf que tel un chanteur qui dénonce le... Balavoine. Qui dénonce les Allemands, à partir de 1946, le journal... Maurice Chevalier. Il n'a pas collaboré, lui. Maurice Chevalier, je crois. Hein, c'est ça, hein. Je sais pas si c'est une parodie dans les Inconnus, je crois que c'est ça. Vous, les Allemands, vous êtes ici, chez vous. Voilà. J'ai plus en tête, ça, là. Ouais. Très drôle. D'accord. Avec, mais c'est là qu'il dit, à partir de 1940, il commence à dénoncer les Allemands à partir de 1946. Dehors, les Boches. Dehors, les Boches. Je sais pas quoi. Eh, je préfère mourir français. Ouais, c'est ça. Je préfère mourir français. C'est, voilà. Magnifique. Avec le tout sur Joséphine Baker, aussi magnifique. À partir de 1945, on a droit au journal Vaillant. Ah, toujours pas. Rien à voir avec Michel Vaillant. Ah, je pense que ça sent le bleu, blanc, rouge, ça, mais non. Vaillant. Non, parce qu'en fait, ça s'appelle Vaillant parce qu'il voulait faire de la collision avec le journal Cœur Vaillant. C'est drôle parce que c'est vrai. Bah oui, c'est pas vrai. Et le journal Cœur Vaillant, c'est un journal de petit cateau. Voilà. Bon, on pouvait lire plein de trucs, mais au fur et à mesure, il y a des choses qui sont développées dedans, comme PIF est apparu dans le journal Vaillant. Sauf qu'un jour, il a bien fallu se rendre compte, quand même, que le Vaillant, il vivait plus, toi. Le Vaillant, il était pas un peu comme toi hier soir. Ouais, c'est ça, il était pas très bien, toi. Il y avait, trouble. Il y avait un coup de mou. Hier soir, t'étais pas vaillant, toi. Ah non, mais... ouais. Pour courir aux chiottes, toi, la rigueur. Et encore, fallait que les chiottes viennent à toi, parce que c'était limite. Il n'y avait même pas le niveau pigeon de combat, hein. Vaillant, pigeon de combat. Avec Eric et Ramzi. Oui, voilà ce que j'allais dire, avec Eric et Ramzi. J'avais les fous du volant ou Satanas et Diabolo. Et Diabolo. Sauf que bon, ça baisse un peu, tu vois, les parce que bon, dans Vaillant et tout, il y a des petites BD, mais c'est sur une page, des trucs comme ouais. Ça. Ça chute un peu, donc qu'est-ce qu'on décide de faire? On va mettre des porte-clés en cadeau. Ah oui, ah ben. Voilà, on va mettre des porte-clés. Bon, sauf qu'au bout d'un moment, ils arrêtent de mettre des porte-clés parce que bon, ça va deux minutes. Hein. Et là, le journal, ça se répète la gueule encore. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, eh ben, des petites étoiles jaunes. On dirait du Jamel Debbouze, quoi. Avec un accessoire de couture, hein. Non. Ah non, c'est... On va mettre des gamis. Ah, des gamis, des gamis. Eh les gars, encore un clou, je glisse. Alors, du coup, ils décident de passer à Pif Gadget. Et c'est, en fait, le premier numéro de Pif Gadget, c'est le numéro Vaillant, en fait, 1239. Tant que ça? Eh oui, ça prouve qu'il y en a eu des... C'était hebdomadaire. Ouais, ils ont été vaillants. Ah, ouais, ok. Badoum. Attends, jingle en retard du coup, parce qu'on n'est pas dessus. Là, je l'ai pas. Hein. Et dès le premier numéro de Pif Gadget, qui c'est qu'il y a dedans? Raon. L'enfant des âges farouches. Le fils des âges farouches. Ah, le fils de... Oui, pourquoi je dis enfant à chaque fois? Et c'était une BD de 20 pages. Et ça s'appelait Le secret du soleil. Parce qu'en fait aussi, il faut savoir quelque chose sur Rang, c'est que Rang, en fait, il cherche quoi, Rang, d'ailleurs? Parce que Rang, il a Rang, en fait, Rang, il fait il pas... Il cherche ceux qui ont la même couleur de cheveux que lui. Non, il cherche autre chose encore, parce que Rang, il fait le com avec son couteau. Ouais, mais c'est le blond, hein, oh. Il fait le com avec son couteau-là. Il s'appelle Pierre, le B-L-O-N-D. Mais en fait, Rang, il cherche... Les hommes qui marchent debout? Il cherche autre chose, la tanière de quelque chose. Tanière du méchant. Ah oui, merde. Trop vieux. Je vais nous le dire. De celui qui a tué son père. C'est un truc qui a tué son père, non? Je l'ai dit dans le titre en plus. La tanière du tigre à l'enceuvre. La tanière du farouche. Soleil. Ouais. Il cherche la tanière du soleil. Donc il marche toujours à l'ouest, ce con. C'est-à-dire que dans une tanière, il y a un soleil. C'est complètement. Sauf que Ran. Il est blond, hein. Ran, en fait, c'est ça. Son leitmotiv, c'est trouver ça. Les blonds. Si t'étais blond, ça serait déjà. Fais pas ta prude parce que. Si t'étais vraiment blanc, t'aurais pas compris. Non, et en fait... c'est pas très gentil, ça. Non, mais il a compris, donc c'est gentil. Donc, en fait, avant, il cherchait le soleil, sauf qu'en fait, il trouve déjà dès le premier épisode le soleil. Première. Enfin, que, il te rend compte que le soleil... Fin du game. Mais il revient tout le temps. Mais voilà. Il apprend que le soleil est dans une autre tanière. Peut-être. Et finalement, après, il continue quand même à le chercher. Comme ça, c'est comme dans Mario. Bon, après, il... Le MacGuffin de Raon, c'est... chercher le soleil. C'est ça, la tanière. La tanière. Le soleil, tous les soirs, il se planque. Mmh. Il se dit, le malin. Le soleil est à Raon, ce que Princess Peach est à Mario. C'est un peu ça, voilà. C'est ça ma brotte. Ok, il est pas dans non, j'ai mis du temps à décoder parce que je suis pas un fan de Mario, donc... C'est sa grotte. Ok, c'était un perfect ou un fantôme? Ah, débat. Réagissez dans le chat. Ça peut être un fauteur, hein, tu sais. Ah, aussi. Y'a caca qui arrive. Allez, vas-y. Alors, cette période de RAM, là, qui allait de jusqu'à 1973, là, parce que c'est en 1969, ça s'appelait, on l'appelle la période rouge. Parce qu'il y avait, un manteau rouge, en fait. Tout simplement. Sur qui? Sur quoi? La couverture. Ah, de Pif sur Pif. Ouais. Ah, je croyais qu'on parlait de Raon, c'est pour ça que j'ai du mal à... Il avait un bandeau. Mmh. Ah, mais c'est Rambo. Rambo. Ça, c'est pas bon, quand tu commences à sortir les mêmes vannes en même temps, c'est pas bon. Raté. Et après, on est passé à ce qu'on appelle la période blanche. Pas comme l'album blanc, mais... Alors, t'as la période rouge, la période blanche. Ça fait très communiste et très douma. S'il avait des périodes blanches et une carte de France dessus. Donc voilà, c'était bon, là c'était la période la plus connue de Pif Gadget. On a vu les poissons-sauteurs, on a eu le sapin aussi. Le sapin, d'ailleurs, il y a des gens qui continuent à envoyer des photos des sapins, des graines de sapin qui ont été plantées. Pourquoi fallait envoyer les pifis, c'était. Il y a une époque, je sais plus en quelle année c'était, où tu avais une graine de sapin, les gens l'ont plantée. Il y a récemment, je crois qu'il y a un an ou deux, il y a une résurgence comme ça de savoir que devenaient les sapins qui avaient été plantés grâce à Pif Gadget et tout le monde. C'est pas BuzzFeed, c'est trop vieux. Un truc comme ça, non, tu penses, un truc aussi merdique que ça, il n'y a que pour le reprendre. Et les gens ont témoigné, ils ont envoyé les photos. Et t'as eu les crevettes microscopiques ou pas? Le dobé. Moi, Pif Gadget, j'ai jamais vraiment accroché. C'était plus l'époque de mon frère qui était un peu plus vieux que moi. Enfin, qui est toujours un peu plus vieux que moi. Il était plus vieux, je l'ai rappelé. Est-ce qu'il n'a pas remonté le temps pour revenir à l'âge de ses 8 ans? Non, moi, Pif Gadget, ça n'a pas été mon truc. Moi, c'était plus l'époque Journal de Mickey. Donc, voilà. Que tu il y a des articles dessus. Mais par contre, j'ai découvert Raon. C'était Antenne 2 à l'époque. Oui, ça passait. Où il y avait le dessin. On y reviendra après. Et donc, voilà, dans Pif Gadget, bon, voilà, on avait ce sapin là, on avait des gadgets comme ça. Il y a même des gadgets de Raon, on y reviendra après. Après, il y avait eu le sous-marin aussi. Le sous-marin, pas de rang. Perfect, hein. D'accord. C'était un sous-marin où tu mettais. Trop en plastique, merde. Alors, il bougeait dans le. Ah, je me souviens pas de ça. Ouais. Ah, ça avait très bien marché. Et les pifis. Et les poissons-sauteurs, bien évidemment. Les petits poissons-sauteurs. Patrick Bosson en a fait tout un sketch. C'est même sa carrière. Ouais. Entre ça et les pneus. Le sketch de poids, c'est pas mal aussi. Oui, entre ça et les pneus, voilà. Pour un ancien ailier gauche de l'Olympique de Marseille, franchement. Ah ouais, il était au centre de formation. Mais comme il avait Dimeco derrière qui était trop chevelu et que lui était quasiment chaud, ils ont préféré garder le chevelu. Ouais, Dimeco, c'était la classe en même temps. Ouais. Il pétait des jambes, enfin bref. Dimeco. Bon, bref. Et après, donc, est arrivé ce qui devait arriver. Un jour, Pif a calaché. Et c'est Hercule qui a repris le relais. Non, et non. Ah non, parce qu'il y avait eu Pif Poche, Pif tout ça. Oh, mais c'était Arthur bien ça. Les Pif Poche, il y en avait plein dedans. Et il y avait même Pif Poche géant. Il n'y a eu qu'un. Pif Poche, qui a bien tenir. Dedans, dans les pifs poches, c'était super épais là, et t'avais plein d'autres. T'avais Placide et Museau. Oui. Qu'est-ce que t'avais d'autre? Il y avait Arthur le Fantôme. T'avais plein de trucs, c'était génial ça. Plein de trucs, mais oui. Ça c'était bien. Et après, est arrivé, qu'est-ce qui se passe encore? Randall qui. Je crois que c'est même le seul podcast où les gens du chat sont plus drôles que que les invités, que les podcasteurs. Moi, c'est mon voisin qu'on appelait Pif Gadget car son appendice nasal était suffisamment long pour lui permettre de fumer des clopes sous la douche. Nous, on appelle ça des tabarlis chez nous. Mais bon, chacun son truc. C'est le fameux sketch « Il pleut dans ma bouche, ouais. Moi, pas. Ouais, » c'est un gag visuel, bien sûr. Très radiophonique, ça. Donc, Pif Gadget est revenu aujourd'hui. Ils ont qu'à venir un podcast, hein, merde. Voilà, merde. Et Pif Gadget est revenu aussi hein, de 2004 à 2008. Il a fait sa renaissance, mais c'était comme c'était un peu cher et que les gadgets n'étaient pas top top. Et bah, là, c'était tous les mois, par contre. Ouais, exact. Et là, en ce moment, et bah, une fois tous les 6 mois à peu près, c'est un super pif. Super Pif. Non mais c'est vrai. Ça serait un bon nom pour du vin, ça. Super Pif spécial Beaujolais nouveau. C'est un Super Pif. Avec le bandeau rouge. La mignonne. Et là, pas que de blanche. Et ça, c'est depuis 2015. Ouais, c'est toujours d'actu du coup. Ah mais par contre, ça continue du coup. Oui, ils ont refait ça il y a... Ouais, ah merde. Oh, mais c'est de temps en temps, tous les 6 mois, donc il y en a qui sortent. Je sais pas après la période. Et il n'y avait pas des camps de vacances ou des journaux qui étaient financés avec les recettes de Pif. Ah ça, j'ai pas trouvé le... Il semblait à une époque qu'ils en avaient parlé que... Les camps Pif. Ouais, les camps Pif, non mais... C'est comme les camps de la jeunesse italienne, mais... Pif. Il y avait des espèces de camps de vacances. Pif. C'est marrant parce que tu le prends en photo en train de faire ça et tu changes le slogan, t'es plus du tout dans le même rythme. Ouais. Ça y est, t'as tout mis. Non, non, attends, c'est une enculerie, donc là, c'est le dossier. Il reste 2 pages, attends. Non, là, il y a le petit quiz à la fin. Donc, je fais que ça. Non, et par exemple, dans ce magnifique journal, Pif Gadget, qui c'est qu'on a vu comme auteur? On a vu Gottlieb. Ouais. On a vu Jean Tabary. Tabari. Ouais. C'est pas fini. Plus belle. Qui fait Inoubou d'essai. Jean Tabari. C'est Inoubou. Ouais. Greg. Tabari, oui. On a eu Jean César aussi, celui qui fait Arthur le Fantôme. On a eu Hugo Pratt aussi. 13. Corto Malteser. Malteser. Nicoletta et les Corto. Malteser, c'était un moment ça. Raphaël et Carlo Marcello aussi, un auteur très, très prolixe à l'époque. Et un certain Philippe Lugy. Qui a fait Percevant. Ah. Sa première BD, c'est là, c'est Silvio. C'était dans Pif Gadget. Très bon auteur de BD aussi, Percevant, vous pouvez le lire, c'est bon, mais... Faut aimer le style. Ouais, faut aimer le style de dessin, mais après, franchement, c'est une bonne histoire héroïque fantasy. Donc, Mon Petit Raon, il est né sous la plume d'André Chéret et de Roger Lecureux. Et c'était un auteur très Pif Gadget, il faisait d'autres trucs dans Pif Gadget, c'était scénariste. Mmh. Et André Chéret, il est surtout connu pour Raon, principalement, il a fait d'autres trucs. De toute façon, il a le même style à peu près pour tout, donc tout le monde ressemble à Raon en vrai. Quand tu lis Protéo et trucs comme ça, il a même fait une BD sur Yannick Noah. Qui ressemble à Raon. Salut Africa ? Oui. C'était lui le tchouk-tchouk dans la brousse ? Non ? D'accord. Non oui, voilà, vous apprenez deux trucs, voilà, donc il y a une BD sur Yannick Noah. Tu sais, il a déjà été capable de chanter, donc il y a une BD sur lui, franchement. Bientôt, on va nous faire une statue, que ça m'étonnerait pas. Il nous fera une BD sur notre... Attends, on a gagné à Lille. Il y a bien une BD sur Rémi Gaillard et Didier Super, donc Yannick Noah. Il y a une BD sur Didier Super. Mais à quand la BD sur Captain Rémi, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Je crois qu'il y a un Tipeee pour ça. Je pense. Privé de job, après ça, on peut mourir tranquille. Ouais. Donc en fait, l'histoire de Raon, elle est très simple. C'est les aventures de Raon se déroulent pendant la préhistoire, période où les hommes, ceux qui marchent debout, survivent en affrontant les bêtes sauvages. À la mort de ses parents, tués par des goraks, c'est des tigres à dents de sabre là. Mmh. Là, ça fait un peu comme Batman, mais. Non, ça fait un peu comme toi quand tu pars en chasse le soir. Avec des grosses dents. Avec des dents de sabre. J'ai jamais tué personne. Voilà. Quand il reçoit un SMS, il fait bon, les gars, je suis désolé, j'ai un truc à faire. Il part, il a les dents qui rayent le parquet. Tu ne connais pas assez pour savoir que c'est. C'est pas les dents qui raillent le parquet, d'accord. Il n'y a rien qui raille du tout parce que personne n'envoie de SMS. Bon, ils sauraient rien. Ah oui, on est en direct. Ah oui. Donc, à la mort de ses parents, dont tué par des goraks, le jeune Raon est adopté par le clan du Mont Bleu et pas du Mondor, évidemment. D'ailleurs, dit que Raon mangeait pas de Mondor. Sa vie, elle était trop nulle. Voilà, c'est ça. Et c'est sacré rare. Et donc, il s'est oublié, mais il est maintenant un volcan endormi. Tizik pour la suite. Son père adoptif, c'était Krao le sage. C'est une réponse. Hein? C'est une réponse pour le quiz. Deux. Au pied du volcan? Non. Ah, non. Bah non, mais après tu verras. Et Krao le sage lui ancienne, donc, 5 valeurs. Qu'ils disent pas encore. Rien, ouais, c'est Randall qui. C'est ceux du chat qui s'éclatent, qui se lâchent, qui lâchent leurs coms. Donc, ça, ça clash sur les gens qui vont au Fox. Ouais. Et donc Krao, en fait, il lui enseigne 5 valeurs à Raon, des belles valeurs. Les 5 piliers de la foi. En fait, Krao était musulman. Ouais. Tariq Ramadan à l'époque. Tariq Ramadan. Bah, il avait des crocs comme ça. Comme ça, il allait vers le soleil, hein, vers l'est. Ah, hein, bah, la Mecque. Hein. Ah. Non, enfin, la Mecque, non, pas vraiment. Non. Alors, il lui enseigne la générosité, le courage, la ténacité, la loyauté et la sagesse. Tout ça dans le même dans l'ordre précis c'est ou ça, dans c'est l'ordre chronologique c'est ça ah, c'est ça <bon Tetris. rire> et tout ça à l'aide d'un coup de quand même qui posait sur une pierre et qui faisait tourner et ouais et qui créait le jeu de la bouteille générique il est pas le bas de venir et après il a évolué il a muté il est devenu Georges de la Jungle un peu ça à fond tous les coups la descente aux enfers voilà Georges de la Jungle Ah, Brendan Fraser, il disait de la jungle. Brendan Fraser, hein. Celui qui a joué dans la momie. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, mais Georges de la jungle, moi je parle du dessin animé. Ouais, moi je parle du dessin animé. Moi je suis un cinéphile, tu comprends. Même... Merci Randall qui se souvient de l'épisode avec François Fillon, Rhin et l'argent. Bien joué. Ah si, il y avait un dessin animé Georges de la jungle. Oui. Moi j'ai connu que les films. Ah, c'était. Et il finissait d'une liane à une liane et il finissait dans l'arbre. Ah mais peut-être, mais maintenant tu le dis. Ah non, sûrement. Mais maintenant que tu le dis, peut-être. Ouais, mais sûrement. Non, je te crois pas, mais maintenant que tu le dis... Moi, je ne vous crois pas, mais maintenant vous le dites. Mais je me battrai pour que tu puisses dire que peut-être. Peut-être, oui, bien sûr. Je te remercie. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. On y retourne. Un jour, le Mont Bleu entre en éruption. Mais il était là, le spoiler. Ah, il était là, le volcan. L'éruption, voilà. Et le Mont Bleu devient rouge. Voilà, c'est ou ça. Jaune. Ou orange, ou bleu. Jaune devant, marron derrière. et juste avant de mourir, Krao transmet à son fils son collier de griffes, dont chacune symbolise une qualité humaine, celle que j'ai dit tout à l'heure, dont il devra faire preuve tout au long de son existence. La générosité, le courage, la ténacité, la loyauté, la sagesse. Les quatre couleurs premières, quadricolore. Ouais, quadricolore. Ah, me lance pas là-dessus. Bon, très bon groupe de pote, quadricolore. Non, parce que lui, il est en train de chercher la huitième couleur. Oui, c'est vrai. Et Randall valide pour le dessin animé. Non, mais oui. On a le petit coin old school oui. Par là. Oui, bah je vois les images, disons-le. C'est pas le dessin animé. Non, et un jour, Raon, par défi, s'empare d'une arme appartenant à un clan ennemi, un couteau blanc d'ivoire, qui ne le quittera presque jamais. C'est l'une des rares fois où Raon dérogera à la morale, parce que Raon, vous allez voir. Ah mais attends, parce que t'es en train de me dire que son couteau il l'a piqué en fait. Mais oui. Ah mais ça j'avais pas souvenir. Il tue Raon ou pas? Il tue les gens? Non. Donc c'est l'équivalent de MacGyver en fait. De Batman. Eh ben justement, garde ça en tête, parce que tu vas apprendre un truc. Au niveau de la coupe ou... Parce que Raon a plein de points communs avec MacGyver en fait. Pourquoi? Il était canadien lui aussi? Vous allez voir. Non, il a un problème de Turing maintenant. Et donc en fait, Raon maintenant c'est bon, c'est le seul survivant de son clan. Raon erre. Mais ça lui fait quel âge maintenant, Raon? Ah, il est vieux. Parce que s'il était à la préhistoire. Donc Raon erre à travers de nombreux territoires et se forge une solide expérience en matière de chasse et de survie, un peu comme Bear Grylls, mais pas pareil. C'est bon pour le CV. Ouais. Résolvant bien des problèmes et des énigmes, toujours à l'écoute des hommes qu'il rencontre sur son chemin, armé de son seul couteau-là. Raon affronte souvent des fauves. Avec sa bite et son couteau. Voilà. Et il ponctue sa victoire par un cri de victoire. Et voilà. Il était loin là. Et oui. Et maintenant, avant de repasser aux histoires de Raon, tout ça, patin couffin, je vais aussi vous rappeler, parce que je disais que Raon c'était fait par André Chéré. Mais pas tout à fait en fait. Je vous parle d'un procès. En 1972, les éditions Vaillant, donc qui font des gadgets là, confie le dessin de Raon à Guido Zamperoni sans l'accord d'André Chéré et sans même l'avoir prévenu. Ah bah bravo. Hashtag le monde de la BD, c'était peut-être pas mieux. Hein. C'était pas des requins. C'était pas des Zizou. Les Azou. Les Azou. Première sous-culture. L'éditeur souhaite ainsi répondre à la demande engrangée par le succès croissant du personnage d'un Pif Gadget to make profit. Oui, bah c'est comme les auteurs chez Luc et Semik qui font des histoires des 4 Fantastiques et des Spider-Man sans l'accord de Marvel, quoi. Oui. Sauf que là, mis devant le fait accompli, Chéré, jugeant que le style de son collègue italien ne convient pas à rien, préfère être assisté par 3 autres dessinateurs au sein d'un studio. Malheureusement. Alors là, Randall, donc, entre guillemets, il prend tous sa victoire par un cri de défaite. Genre, imagine, il prend tout par un cri de défaite. Oh, putain, les mecs sont impliqués. Chaque fois qu'il gagne. Oh non! C'est tellement efficace, j'adore. Bah, en fait, je fais que citer Wikipédia. Il peut aller le modifier s'il a envie. Hein. Oh, merde. C'est pas, comme on dit chez moi, c'est pas mon problème. Donc en fait, voilà, il veut monter un studio pour faire la Rao Academy, en fait. Hein. Ouais. Avec des primes tous les vendredis soirs. C'est ça. Avec Georges Alain et tout. Georges Jennifer. L'agitateur, Jean-Pascal et tout. Jean-Pascal, ouais. Et Camille. Mais il fait des livres sur le... Non, c'était Félicien, il fait des livres sur le rugby maintenant. Oui, c'est un réalisateur de documentaire de... Ah ouais, documentaire de... Ouais, je sais parce que bien je me demandais ce qu'il a donné de ce cher Félicien après Koum Koum Mania. Koum Koum Mania. Le CD peut-être dans la voiture. Koum ah bah on s'écoutera ça tout à l'heure. Ce sera la musique de la fin de cet épisode. C'est quoi, c'est un Koum Mania? C'est pas moi qui choisis. C'est bon, le truc japonais. Ah, c'est pas. Donc en fait, après, au bout d'un an, Chéri il en a marre parce que bon, mais voilà, patin couffin. Il ne refuse pas d'image de pince. Et bien évidemment, ce qui devait arriver encore une fois arriva. Donc, quand une avance sur ses droits d'auteur lui est refusée, au motif qu'il n'est pas auteur mais seulement exécutant, André Chéré intente plusieurs procès pour faire reconnaître sa qualité de co-auteur pour le paiement des droits d'auteur à une réédition. Pour le préjudice moral causé par les couvertures dénaturant ses dessins et pour plagiat à l'encontre de Romero. Donc, Romero, ça fait partie des dessinateurs qui ont fait. Serge Romero. Georges Romero. Il obtient gain de cause dans les 4 cas et trouve un accord avec Vaillant afin de poursuivre les aventures de Ra. Donc ces dessinateurs, en fait, ben voilà, c'est ça. On avait donc Romero, on avait Zamperoni, on avait des Uescar. Pas Matt. Uescar, évidemment. Ils disent pas encore. Tu prends un peu trop tes S, Flag, dans le chat. Ouais, hein. Bah, ouais, bah, attention, Flag, je te surveille. C'est comme ça, on fait plus de hors 4. Il a lâché la pression, c'est fou. Et putain les oh les yeux et les fuites, ça n'est pas une place. Là il a ouvert un petit peu la soupape. Ah voilà. Oh, oh, le pot d'échappement. Ça fait tellement bien. Non mais merci. Je te jure, j'en peux. Le pot d'échappement d'un Tofu Mobile. Pof quoi. En tout cas, ça avait l'air embouteillé là dedans. Ah le pot catalytique. À mon avis, il y a un problème de courant. C'est le pot catalytique. Cacalytique. Et c'est une magnifique blague au caca. On prend une couleur normale. Tu m'inquiètes. Il est tout rougeau. Les élastiques. Ça y est, ça commence, c'est le Nika ça. Ah ouais, oui, putain. Je pense que c'est vrai en plus. Ah, il y a eu un avant et un après Nika, je trouve. Ouais. Nika, je dois. Moi d'habitude, mais... je suis guère Nika, mais là. Moi je suis plus Nika, je dois. Nika, je dois. En parlant de Nika, il est où? Bah, il est là. Là, putain. Et tu me rends compte dans ce truc. Non, mais je te dis, elle va tomber. Hein. Elle va pas la soirée, je m'en gardais. Elle va pas la soirée, elle va tomber. On laisse un fond pour Gandalf tout à l'heure. Il y a du Moon Arbor. Oui, il y a un fond de Moon Arbor. Si quelqu'un veut goûter, il y a du Moon Arbor. Ah oui, très bon. La troisième partie va être funky, je confirme, Cobalt. Simple et funky. Si tant est qu'on fasse une troisième partie. Oui. Oui, on reviendra plus tôt dans 2 mois. Il est que 19h10. Bon, ça va, attends. On est large. Putain, merde, 19h10. On est large. Ah putain. Attends, on a commencé à 13h45. 13h40. 13h40. Après, alors. Oh, putain, vas-y. Mais je continue. Je poursuis, je persiste. C'est ça. Alors, il y a eu 2 dessins animés de Raon. Alors, il y en a eu un en 1987. Ah ouais, pas avant. Non. mais tais-toi. Il y en a pas. Je pensais vraiment que c'était antérieur à 87, Raon. Hein. C'est ça. Ah merde. Mais Flag, arrête de parler. Celle-là, je l'ai pas vu venir. La première fois, je fais. Mais qu'est-ce que tu dis? J'ai prêté mes épaves de pif contre d'autres. C'était un prêté pour 20 rounds. Mais flag, arrête de parler 15 minutes et on termine les pilotes. Si tu fais des blagues comme ça, l'épisode 3... C'est le moment de lâcher un petit prout quand même. Lâche la pression. Soupape de sécurité. Hein. Tu peux continuer, Flak, parce qu'il me reste encore une sacrée dose de bière. Toi, t'as pas fini ta bière. Ouais, mais la bière en plus. Et Gandalf, t'as pas fini ton eau. J'ai pas fini mon eau. Et un peu calcaire là. Dans ce dessin animé de 1987, le doubleur de Ran, c'était Edgar Givry. Ah, Edgar Givry, c'est le mec qui joue. Non, mais en vrai, c'est celui qui joue dans. Enfin, je vais pas dire, je suis pas sûr. Oui, il est comédien de doublage. Oui, c'est lui qui fait le doublage. Eh ben, c'est celui qui joue le chef de l'hôpital dans H. Ah, c'est lui. Ah, oui, c'est lui, H, trans. Non, non, le chef. Si quand j'annonce quelque chose d'aussi important en termes de pop culture, il faut que je sorte. C'est Edgar Givry. Ah oui! Edgar! Je vois pas de qui on parle. Ou alors c'est le nom du personnage. Oui, émission TV, H, ouais, c'est ça. Et ben voilà les gars! H est vraiment fils des H. Je pars tout de suite. Tu vois, vraiment fils des H farouches. Et aussi, du coup, MacGyver! Coup de gadget. Ah putain! Que tu pètes dans un sachet. Allez, grand F! Plus! Bah, on est pas mal. D'accord! Okay. Ça fait une demi-heure qu'il lui reste ça à dire. Ah bah, okay, pour nous en plus, hein! Il est au-dessus de Strauss, lui. Ouais. Ouais. Merde, lui, c'est le gros chef, lui. D'accord. Enfin, gros. Vas-y. On va pas y arriver. Chef, je l'ai pas la dernière heure. Ah, tu peux l'expliquer, s'il te plaît. Vas-y, continue. En fait, aussi, ça a été fait par. Ça a été fait en France, le premier dessin animé d'Aran. Même Cobalt, il en bégaye. Et là, dans ces locaux, enfin, qui ont travaillé sur Aran, il y a un certain Michel Gondry. Oh, soyez sympa! C'est le mec qui joue Strauss dans H. C'est ça? Non. Et après, on a eu un dessin animé aussi en 2008. Tout pourri! Tout pourri! De Marc Ziam, ouais, qui était fait par ceux qui faisaient. Rent en plan, oublier les cartes. De Pontavis, ouais. Ouais, bah, c'est pas qu'il fait que de la merde. Bah, là, c'était un petit peu de la merde parce que le. Bah, en fait, Rang, déjà, c'est les enceintes d'espace, c'est. Les enceintes d'espace, c'est très bien. Ouais, mais ça, c'était fait 90 début 2000. Ouais. Quoi? Oui, les cafards, c'est super. J'ai pas assez vu pour dire. Ouais, du Pontavis, il fait toujours les mêmes genres de trucs, de toute façon. Ouais, ouais. Et donc, c'est un dessin animé tout caca parce que Ran a des copains et on sait pas pourquoi, parce qu'il a jamais de copains. Justement, le but, c'est parce que Ran, il est tout le temps tout seul, tu sais. Ouais, mais c'est pas vendeur. Ouais, il y a pas un épisode où il se croise pas une petite brune, hein, qui s'en va si, derrière la grotte. Une petite Ran. Ouais. Et c'est Ran, il y a des enfants, après. Ran. Raphaël. Et donc, on peut aussi noter que André Chéret est chevalier des arts et des lettres. Personne n'est parfait. Et là, maintenant, on passe aux deux quiz. Ah, oui. Là, on en a pas pour l'instant. Deux quiz. Donc, combien d'enregistrements est-on? Les débats. On en est à une heure et demie. Bah, c'est parfait. Soir. Une demi-heure de quiz, on a fini. Non, il n'y en a pas pour longtemps. T'inquiète pas. Alors. Randall, si t'es chaud, vas-y, donne tout. Donne tout. Je suis pas là pour faire des émissions de moins de 2 heures. Donc en fait, faut savoir. Alors, je me suis pas fait 600 bornes pour ça, quand même. Je vais vous donner des aventures de Ran, vous allez me dire si ça existe ou si ça existe pas. Ah bah non, on va pas faire beau. Ran contre les extraterrestres. Ran à Saint-Tropez. Contre le Troisième Reich. Il croise une petite brune et il lui en met plein la grotte. Oups. Et il en est fier en plus de sa vie. Oh là là. On a tous regardé d'un air d'autre. On a marché dans sa grotte. Ah merde, Randall. Ah non, mais moi jamais j'aurais fait un truc comme ça. Il y a des Randall pour sortir des conneries pareilles. Faudrait qu'il donne un petit peu d'eau quand même. En vrai, je suis allé chercher un peu. Ran a peur. Oui. Oui, bah oui, ouais. Forcément, il a peur. Ran et les couilles de mammouth. Non. Ah non, parce que en plus, les couilles de mammouth. Tu mets 3 ans à les... Tu sais, c'est des bonbons, au final. Ouais. Hein. Tu mets 3 ans à les lécher, c'est dégueulasse, ça pourrit et tout. Ouais. Non, moi, j'aime bien. T'aimes bien quand c'est pourri? J'aime bien. La chevauchée impossible. Ah, oui. Moi, ça, c'est quand il essaye à l'œuvrette, non? Ah, moi, je dirais oui. Ah oui, avec la brune dans la grotte. Moi, je dirais oui, parce que Tigra dans ça, au raison. Ouais, moi, je dis, ça se voit. Vous dites oui, et c'est vrai. Seuls sont les indoptés. Hein les seuls sont les anomes. Oui. Ouais, ouais, oui. T'aurais jamais trouvé ça. Oula, alors là, c'est trop vie sauvage. Il est possible qu'il fasse ça, mais. Non. C'est trop vie sauvage pour être. Moi j'ai quand même. Moi j'ai c'est vrai. Oui. Eh ben c'est faux, c'est un titre de western. Bravo. Ah oui, donc vraiment t'encules tout le monde en allant chercher des trucs à côté. Quoi. Ouais. J'essaie même l'encul... pas d'imaginer un truc. C'est ça l'enculerie. D'accord. La mort de Raon. Oui. La mère ou la mort? La mort. Ouais, mort. Comme d'abord de Superman. Noé voilà. Connaissait bien sa mère par contre. Ah, Raon ah, c'est... Alors attends, j'ai envie de dire, il est 17h17, on a attaqué le point maman. À 15h, on a attaqué le point tata. Franchement. Elle va à peu près ton âge, la mère de Raon. Ouais, un peu de choses près, ouais. Ah, est-ce qu'il y a un tome qui s'appelle Raon Dalflag? Mais oui, pourquoi on n'y a pas pensé? Ouais, mais ça c'est moche quand tu commences à faire des blagues avec ton propre truc, ouais. Mais là, ça sent le narcissisme, tu vois. Il l'a fait tout le temps. Alors, la mort de Raon, c'est vrai. Oui, ouais. Oui, sinon il serait encore là. Hein. Ouais. D'ailleurs, on aurait pu l'inviter si ouais. On aurait été vivant, ça aurait été bien. C'est vrai, c'est con. Ça aurait été sympa. Par contre, oui, c'est valide. Pour venger Raon. Non. Hein pour venger Raon. Je pense pas. Non, ça serait un tome après la mort de Raon. Non, parce que ce serait vu de quelqu'un d'extérieur. Un autre personnage. Dites oui, non. Moi, je dirais de quoi c'est quoi? Moi, je dis non. Mais eh ben c'est l'enculerie, donc c'est oui. Eh ben, oui, c'était vrai. Voilà. Parce que c'est les deux épisodes les plus vendus de Pif Gadget, même. C'est les deux, numéros c'est les plus vendus. Moi, je rentre dans ta tête et puis. Voilà, tu vois. En fait, tu vois, la mort de Raon, c'était un numéro, il y avait juste marqué Pif Gadget, il y avait juste marqué la mort de Raon, c'était un numéro tout noir. Ah ouais, c'était genre... tout noir. C'était genre France Dimanche, enfin, la couverture trucs qui sont pas vrais du tout, quoi. Ouais. C'est ça. Mais ça c'est la mort de Raon, en fait, c'est juste genre, il a écrasé un insecte. Où était le monde d'or quand le Westworld est tombé? C'est n'importe quoi. Non, moi je valide. Je valide. Voilà. Walid et Futuna. Donc, et bah, la suite c'était donc pour venger Raon. Parce que Raon en fait était pas mort. Ah. Il était mort, mais en fait, non. Non, en fait, hallucination. Ils avaient drogué Raon et il était pas mort. Et du coup, après, il y a pour violer Raon. Non. Non, il y a du viol donc non. Ah. Si, violer. C'est trop edgy. Oui. c'est l'histoire d'une aurore boréale, c'est ça? Non, c'est ultraviolet même, Raon. Le grand amour de Raon. Ah bah oui. C'est la petite brune, dans la grotte. Voilà, donc ça existe. Bah oui. Le secret de la caverne des tromperies. Non. Bah ça c'est le secret de la caverne de la petite dans la grotte. Voilà. Donc, c'est un drôle de vagin qui lui permet pas de... Si, voilà. Moi je dis ça existe. c'est bon. Quoi? C'est les employés du mois, je sais plus comment ça s'appelle, de Kevin Smith. Clerks 2. Raon le gitan. Non. Raon le gitan. On va faire les blagues de flag quand même. Sur... Ouais, parce que c'est un petit peu. Le Raon part de Carcassonne, elle est marrante. Ah oui, putain, maintenant que tu le dis, j'ai lu 4 fois, j'ai pas compris. Mais Les Raon part de Carcassonne. Oui. Là où ils montent dans le nord, c'est Raon part de Carcassonne. Raon au-delà du dôme du tonnerre. Oui, en Australie, c'était très bien. Bah oui, bah non. Mais ça, c'était avant la Pangée. Donc, mais non, c'est du bullshit. Mais oui, mais c'était avant. Ah, mais non, c'était le Tétis. C'était avant la grande catastrophe sur les champs de pétrole. Au-delà du dôme du tonnerre. Mais oui, mais c'est. C'est Mad Max 3. Mad Max 3, ouais. Voilà. C'est pas le mec. Bah oui. Le territoire des ombres. Oui, oui. Ouais, ça fait vrai. Raon contre le temps. Oui. Non. Moi, je dis non. Moi, je vais c'est vrai. Oh, ah bon? Ouais. Ça, il a fait quoi? C'était le temps en météo? Genre, c'est une prise d'otage. Ah, mais je sais pas. Hein, bah, il a pas inventé le cadran sans l'air. Hein, donc, non, à l'aéroport de Martignan. Ouais, genre. Martignan? Mérignan. Une journée en enfer, Raon. Contre les vampires. Raon contre Alien. Dans un aéroport, tu vois. Raon vs Alien vs Predator. Avec Abraham Lincoln. Le saut impossible. Vol au-dessus d'un hydra. Non. Oh! On va faire des remix de films. Non, ça c'est faux, et la lance magique. Ah, bah, c'est toi ça! Non? Non. Ah, je crois que c'était toi. Ah, ouais, ouais. Moi, ça sonne gratuit comme ça. Oui, mais ouais, mais très marrant. Enfin, moi, ça me fait rire. Hein. Tu sais, Randall, il rit bien de ses blagues, donc moi, je peux rire des miennes. Bah oui. Toujours rire de ses blagues. Ouais, toujours. C'est important. Toujours. Sinon, tu réessayes. Toujours avoir un mot dedans. Si personne rigole. Et si ça rigole pas, tu réessayes. Et si ça rigole pas, tu réessayes. Sinon, mais toujours avec la même blague. Sinon, tu changes. Donc, Raon, il a lance magique. Ouais, non, bah, moi je dirais oui. Si, si, il doit bien tomber sur une tribu où il y a un chaman, ouais. Il a bien bricolé trois bouts de bois avec un morceau d'ivoire. Si, si, moi je dis que ça existe. Ouais. Et ben ça existe, mais c'est pas du tout ça en fait. C'est l'épisode où Raon se bat contre un T-Rex. Un T-Rex ? C'est l'épisode mythique où en fait il arrive dans une tribu. Alors en plus d'avoir un T-Rex, il y a une lance en haut d'une montagne, et personne n'ose y aller parce qu'à chaque fois, elle fait pas à foutre, si tu veux, parce que Ram, il voit des trucs que les autres ils voient pas, tu vois. C'est genre Patrick Jane mentaliste, quoi. C'est ouais, comme ça. Ah, ça va, tu vois. Et tu vois, après, il voit que le, ça, qu'il se dit, putain, mais ça. Ou un sentinelle. Voilà, il voit que ça attire la foudre, tu vois. Alors Ram, et puis il voit ce putain de T-Rex, là, il saute dessus. Là ! Et là, foudroyé. Ouais, c'est pas cool. C'est marrant, je crois qu'ils étaient pas contemporains. C'est un peu comme le boss final. Non, mais c'est très imaginaire. Oui, mais monsieur, on nous prend pour des cons et ça, j'accepte pas. Eh, à 3 millions d'années. Quand tu vois la jeunesse d'aujourd'hui, regarde-moi ça, franchement. Hein, c'est une perspective créationniste. Après, ah oui. Après, alors il y a eu les gadgets de Ram, évidemment. Alors est-ce qu'on a eu le t-shirt de Ram? Bah oui, bah forcément. Évidemment, le transfert. Oui. Oui. On se faisait soi-même, c'était. Est-ce qu'on a eu la médaille de Ram? Oui. Ouais. Est-ce qu'on a eu le collier de Ram? Bah oui, ah, ça, oui, ça c'est pas emmené. Ah, mais c'est pas le vrai, mais il y a trop dedans. Même oui, il y a trop dedans. Même le caleçon de Ram. Le calcivet. Le calcivet de Ram. Le pagne, tu vois. Le pagne de Ram. A noter que pour, les, pour l'export, mais c'est vrai en plus, hein, les Américains, pour faire l'export aux États-Unis, ils avaient demandé à ce qu'ils ne soient pas en slip. C'est pour ça que dans les derniers Ram, il a un long pagne en fait. Et c'est vrai qu'ils ont interdit Kiriko au moins 18 ans aux États-Unis. Oui, parce que ça c'est très américain dans les films américains. Tout le monde meurt, tout le monde se viole. Oula, toi, ton slip, c'est pas bien. Voilà. Ouais, c'est très puritain. Trop puritain. Voilà. Trop puritain. On peut pas comprendre. Putain, Kiriko interdit au moins 18 ans. Ouais, parce que tu vois les. En fait, il était trop petit quand il sort. Non, c'est parce qu'il est trop petit aussi. C'est pour ça que David il a interdit de séjour aux États-Unis. Tu vois les seins des femmes et du coup. Mais non, ça fait parce qu'il est interdit parce qu'il est mort de Nantes, tout simplement. Oh là. Eh, on n'est pas à Charlottesville ici. On n'est pas à Charlottesville, ok. Donc après, est-ce qu'on a eu le bouclier de Raon? Non. Non, ça c'était dans les maîtres de l'univers. Coup, c'est trop gros pour. On l'a jamais vendu en même temps. Alors ça dépend, est-ce que c'est donné avec un magazine ou c'est en export ou un truc? Ah non, moi je sais que les trucs qu'on achète. Hein, parce que sinon, il y a un export, il y avait même le canoë de Raon. Bah c'est. Bon, ah, merde. Ah ouais, ouais. Il y avait le masque et tout. Et la poupée de Raon. Est-ce que vous cherchez une poupée de Raon? Tu cherches, t'as une c'est pas G.I. Joe, c'est les trucs qu'il y avait à l'époque, là, truc action ou je sais pas quoi, mais t'as la poupée de Raon. En deux versions, t'as la version cheveux en plastique, et puis t'as la version avec des cheveux comme Barbie, et elle est dégueulasse celle-là. Ah ouais, c'est lui qui part dans tous les sens, et qui lui coiffait. Mais il avait pas le temps de se faire une mise en pied en même temps. C'est ça, hein. Après, est-ce qu'on a eu le coutelard de Raon? Ah bah oui, bah oui. Plusieurs fois même, plusieurs fois. Ah bon? Oui, plusieurs fois. Il y avait une, même un qui était un peu plus dur que l'autre. Tu pouvais vraiment planter quelqu'un. Ah ouais, ouais. Ah ouais? Il y en a un dont je me souviens, c'est peut-être celui-là. Il surine avec en prison. Est-ce qu'on a eu la sarbacane de Raon? Non. Oui. Non, parce qu'il n'avait pas de sarbacane. Bah si. Bon, ah bah non. Mais je me souviens. Non. Il n'y avait pas de sarbacane, non. Et alors, ouais. Ouais. Est-ce qu'on avait ils n'étaient pas contemporains du T-Rex et pourtant il en a tué. Le pistolet laser de Raon. Tu vas pas nous faire chier avec ta sarbacane. Est-ce qu'on a eu la roue de Raon? Bah non, c'était pas inventé la roue. La roue de Raon. Et honnêtement, si on a eu la roue de Raon, ça veut dire que lui, il connaissait la roue et qu'il s'en est pas servi pour se déplacer. Et franchement, c'est que c'est vraiment un blond. Il est con ce mec. Mais non, il y a pas eu il faisait du bonostic comme Arène de Couvée. Non, mais avec des bolasses. Et il faisait tourner avec son bâton pour faire avancer sa roue. Est-ce qu'on a eu le harpon préhistorique de Raon? Oui, parce qu'il s'en sert dans un épisode pour tuer un requin. Voilà. Une espèce de sagaie avec un truc. Okay. Est-ce qu'on a eu le livre de blagues de Raon? Bah oui. Non, mais on a celle de Randall par contre. Ah, ça par contre. Et ça, franchement, c'est priceless. Est-ce qu'on a eu comme cadeau le vent passe? Didi? Ouais, ça parce que c'est un nom qui me dit bien tout à l'heure qu'on a entendu. Donc ouais. Nika. Ben en fait c'est pour ça que ça, les vent passe s'appellent les vent passe. En fait. Merci. C'est un hommage à Raon. Et c'est quoi un vent passe? C'est une espèce de. Oui, mais il m'a défoncé. Et il m'a détruit. Ah bon? Et pourtant j'en ai pris un fou. Hein, mais... Et est-ce qu'on a l'Armagnac banane? L'Armagnac de Rhin. Ouais, la Maïté, l'Armagnac. Ah, à mon avis, il devait en avoir des bien chargés. Ouais. Et oui, le millésime 2014. Tu l'as, on a l'Armagnac de Rhin. Ramener juste un doigt, je veux. Ramener directement de Eos, le pays de l'Armagnac. Donc voilà, j'ai fini le game du le Rhin game. T'as tué le Rhin game. Un petit fou pour le PP. Bah c'est bien parce que moi ça me rappelle plein de souvenirs. Et Rhin Calabrune. Merci. Non, Nika. Nika, bah le Nika. À toi. Ouais, ok. Le fameux. Voilà, non mais là il n'y a pas de jeu de mots, c'est juste qu'il a mis Nika, le whisky, tout ça. Ça s'abaisse dans les blagues. Là vraiment je l'ai pas. Là c'est bon, voilà. La c'est vraiment session, un truc, ça, j'ai pas fait là, le rapport. On arrive en fin d'épisode, ça... Oups, les... Alors là comme d'habitude, on va être complètement à barf entre deux épisodes, puis on va revenir... En forme. Au bon. Le temps d'aller se faire une ligne de cocaïne. Voilà, le temps d'écouter une petite musique. Je te mets le jingle. Bah, mets le jingle. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu, descend du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chantons. Oui, comme d'habitude. Non, c'est moi qui me suis débrouillé comme un grand pour non, mais je croyais que j'avais pas entendu. Ah oui, non, c'est parce que j'ai coupé le son. Ah bah voilà, non, c'est pas de ma faute. Je suis désolé. Effectivement, je suis désolé. Si je coupe le son, je peux pas attendre de retour. Ce qu'il fallait démontrer. Une petite musique, et forcément, une petite musique qui est made in Asto. Donc je vais vous laisser découvrir si c'est un truc japonais ou non. La musique s'appelle Thank You Music. Oula, rien à perdre. Music. Miyumi. Bon bah c'est et du coup on se dit à le mois prochain. À le mois prochain. Okay, pour le podcast et dans tout de suite pour les autres. Dans le live 15-20 minutes pour Adi Chats. Pour la live. Salut. À tout à l'heure. Salut. Au mois prochain.